informatique, travail, intelligence artificielle. Ce soir, on reçoit deux invités de marque pour aborder tous ces sujets et essayer d'imaginer ce que peut être notre avenir, rien que ça. Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'épisode 266. Bienvenue! Donc bonsoir à tous, petit tour de table physique, pour une fois on est tous présents au même endroit et il n'y a personne sur l'internet mondial, ou du moins on va faire parler personne parce qu'on n'est pas capable de les écouter. Donc autour de la table d'abord les habitués, on a Robin, salut Robin. Salut. Et après on a non pas deux invités finalement mais trois invités, on a d'abord Gilles Dewec, bonjour Gilles. Bonjour. On présentera et on discutera un peu de ce qu'ils font chacun tout à l'heure. On a Serge Habitboul, j'espère que je l'ai bien prononcé. Bonjour, oui très bien prononcé pour une fois. Et Laure, Laure du Palais de la Découverte finalement. Donc je ne dis pas pourquoi elle est là, en tout cas elle posera peut-être des questions pour pas l'intimider, mais non mais bon, voilà, pour participer, pour éventuellement poser des questions et peut-être plus, qui sait. Donc ce soir, sujet très vaste, on est avec deux spécialistes de l'informatique, de toute façon je vais les laisser parler très rapidement pour nous expliquer en quoi consiste leur métier, leur quotidien, parce que je pense qu'ils l'expliqueront mieux que moi, et puis pour essayer d'imaginer donc ce qu'est l'avenir de l'informatique aujourd'hui, le travail, etc. Et comme ça s'annonce, c'est une l'émission longue et dense, je vous propose de commencer tout de suite et de commencer par tous les deux, que vous nous racontiez un peu ce que vous faites dans la vie. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, donc, c'est Serge hein, là, qui parle. Donc, dans la vie, je suis chercheur en informatique et en même temps, donc chercheur à l'INRIA, qui est un centre de recherche en informatique du gouvernement, et prof à l'ENS Cachan. Alors, je vais commencer par prof parce que c'est plus facile à expliquer. J'ai des élèves. Qui sont très sympas, très studieux, des élèves parfaits, et, sauf quelques glandos bien sûr, mais ça c'est normal. Et donc j'essaie de leur transmettre ce que je connais de l'informatique dans des cours ou éventuellement pour des doctorants dans des travaux de recherche. Et puis à part ça, je suis chercheur. Alors là on est dans le dur, c'est compliqué à expliquer, je ne sais pas très bien le faire. C'est-à-dire qu'on prend des sujets qui ont trait à... Alors, dans mon cas, c'est le logiciel, essayer de comprendre comment on fait de meilleurs logiciels, comment on fait des logiciels qui sont un peu nouveaux, un peu révolutionnaires. Donc, par exemple, en ce moment, c'est peut-être le mieux, c'est de voir sur un exemple. On travaille avec des étudiants à essayer de récupérer toutes les données d'une personne, vos données de votre téléphone, les données de vos déplacements, vos données bancaires, toutes ces choses-là, et puis d'intégrer ça, de trouver des liens entre, je ne sais pas, le mail que vous avez reçu hier et puis votre déplacement aujourd'hui, ce genre de choses. Donc c'est un peu d'intelligence artificielle, c'est beaucoup de bases de connaissances, de bases de données. Et donc on essaie de démontrer des choses, de faire des logiciels. J'ai très mal expliqué, mais c'est parce que je ne sais pas le faire. Ça fait des années que je fais ça et j'aime mieux expliquer prof parce que ça, tout le monde comprend. Mais c'est vraiment de la programmation ou c'est des démonstrations, enfin c'est de l'informatique sur un tableau noir? Alors c'est de l'informatique, c'est rarement au tableau noir, ça se marie mal avec le terme tableau noir. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles idées, alors ces idées peuvent se concrétiser par des théorèmes mathématiques et des fois ça peut se concrétiser par des logiciels qu'on va essayer, qu'on va développer, donc on va faire des démonstrateurs, on va faire des protos. Ça peut aller, moi ça m'est arrivé une fois dans ma carrière d'aller jusqu'à créer une boîte et puis vendre le logiciel. Mais en général, je m'arrête avant parce que je suis un peu fainéant. Mais ça va jusqu'à faire des démonstrateurs, oui, tout à fait. Informatique, c'est quand même aussi une technique, donc il faut être un peu dans le concret. C'est rarement que du tableau noir. D'accord. Et donc, Gilles? Alors, comme les Dupondet et Duponté, je suis aussi chercheur à INRIA et je suis aussi enseignant à l'École normale supérieure de Cachan. Et en revanche, nos activités de recherche sont assez différentes. Serge a expliqué qu'il s'intéressait beaucoup aux données, aux bases de données, au web, à ces choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement de logiciels et en particulier comment développer des logiciels sans bug. Donc, les bugs sont parfois des choses qui sont peu embêtantes. Bon, des fois, il y a y a un logiciel qui bug, il suffit de le relancer et tout va bien. Mais il y a trois domaines dans lesquels les bugs posent des problèmes beaucoup plus embêtants. Alors, c'est les transports, la santé et l'énergie. Donc, quand il y a un bug dans une centrale nucléaire et qu'il y a du combustible nucléaire qui est répandu, quand il y a un avion qui s'écrase parce qu'il y avait un bug dans un pilote automatique, ou quand il y a un robot chirurgien qui doit opérer une personne et puis au lieu de lui couper la jambe droite, lui coupe la jambe gauche, bon, c'est des bugs qui sont vraiment très embêtants et qui peuvent entraîner des morts, des dizaines de morts, des centaines de morts. Et donc, il y a des techniques qu'on essaye de développer pour programmer sans bug. Et en fait, ça, c'est, disons, l'aspect concret de mon travail de recherche. Et puis, du côté un peu plus abstrait, un peu plus conceptuel, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'informatique a transformé la notion de langage. Alors, de langage de programmation, bien entendu, mais également de langage logique, puisque cette question des bugs est très liée à la logique. Et donc, on n'avait pas beaucoup inventé de langage jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, avec l'explosion de l'informatique, il y a une explosion du nombre de langages qu'on a inventés. Et donc, une partie de mon travail de recherche concerne cette notion ancienne, mais renouvelée par l'informatique, la notion de langage. Enfin, quand tu dis ancienne, il n'y a pas beaucoup de langages qui... J'ai pas l'impression qu'il y ait des tonnes de langages qui se créent, qui ne sont pas des langages informatiques. Ou je me trompe? Alors si, malgré tout, par exemple, quand un musicien, quand un compositeur écrit une pièce et qu'ensuite un interprète, un instrumentiste la joue, eh bien, il y a une communication qui s'établit entre le compositeur et l'instrumentiste, même si le compositeur est mort depuis 300 ans ou 400 ans. Et donc, on sait qu'on ne peut pas écrire une pièce de musique en disant, voilà, il faudrait jouer un do, puis ensuite il faudrait jouer un ré, puis il faudrait jouer un mi, mais on a besoin d'un langage particulier pour ça. Et donc, au XIIIe siècle, on a commencé à inventer le langage qu'on connaît aujourd'hui, qui consiste à avoir une portée qui est formée de 5 traits, et puis une clé, et puis des altérations, etc. Donc ça, c'est un exemple de langage qui a existé longtemps avant l'informatique. Et puis, de la même manière, le langage de l'algèbre, qui est apparu au XVIe siècle avec les X et les Y, là, ce qui caractérise un peu, quand on ouvre un livre de mathématiques ou un livre d'algèbre surtout, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a des équations avec dedans des inconnus. Et donc ça, c'est un langage qui est apparu au XVIe siècle. Alors, c'est deux exemples, mais avec l'informatique, effectivement, on est passé de quelques langages, peut-être quelques dizaines, à plusieurs milliers. Et donc, ça nous amène à nous poser des questions sur la notion de langage en général. Et qu'est-ce qui distingue, par exemple, un langage de programmation d'un autre langage? Est-ce que tous les langages sont des langages de programmation? Voilà, c'est ce genre de questions qui nous occupent toute la journée. D'accord. Bon, on voit un peu mieux. J'espère qu'on verra encore plus précisément par la suite. Juste sur les langages, on va faire un petit lien. Alors, il y a beaucoup de dossiers de Podcast Science où on a déjà parlé un peu d'algorithmes, entre autres l'épisode 82, ça nous rajeunit pas, où on a parlé des algorithmes de manière très générale, et on a dit que à partir du moment où on pouvait programmer une machine de Turing, tous les langages étaient équivalents, mais malgré tout, les informaticiens aiment bien avoir des langages différents, ce qu'on n'a pas trop abordé. Alors, je ne sais pas si l'un de vous deux veut parler justement de ce sujet. Pourquoi il y a des langages différents alors que c'est pour faire la même chose, finalement? Il y a deux choses dans un langage. La première chose, c'est qu'est-ce que vous pouvez exprimer, qu'est-ce que vous pouvez dire, quelles sont les commandes que vous pouvez faire, quels sont les programmes ou les algorithmes que vous pouvez décrire. C'est une première chose. Et il y a une deuxième chose qui est très importante aussi, c'est quelle est la complexité, quelle est la difficulté pour un être humain, ou quelle est la facilité, plutôt, c'est plutôt ça qu'on vise, pour exprimer cette question, pour écrire votre algorithme. Alors évidemment, ce qu'on a fait beaucoup, c'est essayer de trouver des langages qui, d'une certaine façon, permettaient d'exprimer les choses de façon beaucoup plus simple. Alors je vais prendre un exemple dans le traitement de données, parce que c'est celui que je connais le mieux. Dans les années 60-70, on avait déjà des bases de données, et puis on allait chercher des données dedans. Il fallait être un espèce de gourou, et puis écrire des codes qui étaient très compliqués. Alors quand vous écrivez un code très compliqué, ben ça vous prend beaucoup de temps, il faut être très compétent, vous pouvez faire plein d'erreurs, les fameuses bugs dont parlait Gilles. Et puis c'était... Mais par contre, les gens faisaient ça pendant des journées et des journées. Vous aviez des bataillons de personnes en train d'écrire des programmes très compliqués pour aller chercher des données. Et puis il y a un type, il s'appelait Ted Code, qui a proposé d'utiliser un langage qui était beaucoup beaucoup plus simple, on est déclaratif, qui vous permettait de décrire ce que vous vouliez plutôt que de décrire toutes les étapes, les détails du calcul. Et à partir de là, on a gagné énormément de plein de façons différentes. La principale étant la productivité d'un programmeur. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une semaine à écrire une petite requête dont on avait besoin pour le travail, ben on faisait ça en un quart d'heure. On a gagné aussi en niveau de compétence qui était exigé de ces gens-là. À peu près n'importe qui était capable d'écrire une de ces requêtes, alors que le même programme dans les langages des années 60-70, c'était des galères. Et puis, donc, du coup, on a fait moins d'erreurs, etc. Donc, il y a une question de... C'est la même chose. En fait, à l'arrivée, la machine va calculer exactement la même chose. Mais on s'est mis dans un langage, on appelle ça des langages de plus haut niveau, et qui sont plus près d'un être humain. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, si vous regardez bien, le langage, c'est quoi? C'est de la médiation. Laure devrait écouter bien, mais c'est de la médiation, ton travail, Laure. Donc, c'est de la médiation entre un être humain et puis une machine, des disques, un processeur, etc. Et donc, le langage, c'est ce qui va nous permettre de commander la machine, de commander les disques, de commander les réseaux partout dans le monde. Et essentiellement, ce qu'on voudrait, c'est un langage qui soit beaucoup plus proche de l'humain. Et puis, c'est l'ordinateur qui va traduire ça. Donc, on parle de compilation, qui va traduire ça dans des suites d'instructions dégueulasses, des instructions que vous n'avez pas envie de lire, mais qui vont être réalisées par la machine. Oui, ce que Serge vient d'illustrer, c'est un point qu'on essaye de développer dans le livre qu'on est en train d'essayer d'écrire ensemble. Enfin, je pense qu'on va l'écrire, mais il faudrait qu'on le termine un jour. Qui est le fait qu'en informatique, une chose importante, c'est de voir le même phénomène, le même objet, avec des degrés d'abstraction très divers. Donc effectivement, quand on dit tous les langages sont équivalents parce qu'ils sont tous équivalents au langage des machines de Turing, c'est quelque chose qui est vrai, mais par exemple, il y a une manière de voir les problèmes où on se dit écrire un programme de 10 lignes et un programme d'un million de lignes, c'est exactement pareil. L'important, c'est qu'il existe un programme qui résolve un certain problème. Et donc ça, c'est une manière de voir les choses qui est importante, qui a toute sa légitimité, mais qui n'est pas la seule. Il y a un autre moment où on doit penser à un autre niveau, où on pense les choses de manière un peu plus concrète, et où on se dit effectivement, si on peut développer quelque chose en 5 minutes, eh ben c'est mieux que le développer en une semaine. Non pas tant qu'on est réticent à utiliser une semaine pour développer un programme, mais c'est que si on peut développer en 5 minutes ce qu'on pouvait développer avant en une semaine, ça veut dire qu'on va pouvoir développer en une semaine des choses beaucoup beaucoup plus intéressantes que ce qu'on était capable de faire, de faire avant. Donc c'est une des particularités, une des difficultés un peu d'entrer dans la manière dont pensent les informaticiens, dans ce qu'on appelle la pensée informatique, c'est qu'il faut savoir comme ça de temps en temps changer de point de vue. Et il y a des moments où une ligne, un million de lignes, c'est pareil, et puis il y a des moments où c'est très différent. Alors justement, on parlait de comment pensaient les informaticiens. Alors en effet, dans Podcast Science, pour une fois, on n'a pas lu le livre des invités avant qu'ils viennent, parce qu'il n'est pas encore sorti. On vous préviendra quand il sera sorti. Et il y a un titre, il y a un passage qui est sur comment pensaient les informaticiens. C'est un peu pour ça que j'avais posé cette question de langage, parce que quelque chose qui est peut-être méconnu, surtout parce qu'on a un peu cette idée de quel langage vous savez parler quand on programme. En fait, les informaticiens ont tendance à choisir leur langage en fonction de ce qu'ils ont à faire, et alors qu'on ne choisit pas vraiment sa langue en fonction de ce qu'on a à dire. Oui, tout à fait. Quand on est polyglotte, on peut parler deux langues étrangères, on peut parler 12 langues étrangères, mais apprendre une langue est quelque chose de difficile. En revanche, quand on est informaticien, la question n'est pas de savoir si on connaît un langage ou deux langages ou 10 langages. La question, c'est qu'il faut être capable de penser dans plusieurs langages différents, de passer d'un langage à l'autre, de traduire d'un langage vers un autre. Donc en fait, les langages en informatique jouent un rôle assez différent des langues vernaculaires. C'est pas vraiment la même chose. Il y a des points communs, bien sûr, c'est des outils qui servent à s'exprimer, il y a des mots, on forme des phrases avec ça. Mais par exemple, dans un langage informatique, il y a en général beaucoup moins de mots que dans une langue. La grammaire est beaucoup plus simple, et donc du coup, c'est beaucoup plus facile à apprendre. En revanche, être informaticien, ça veut dire non pas connaître Python, Java, etc., mais ça veut dire avoir les capacités d'apprendre un nouveau langage, que ça soit un langage de programmation, ou un langage de spécification, ou un langage de requête. Ça fait partie un petit peu de la vie quotidienne d'apprendre de nouveaux langages. Alors on parlait de médiation là à l'instant, on s'est dit que ça, c'était assez important en recevant d'avoir une bonne partie vulgarisation, éducation, médiation. Alors je sais pas quel terme on va utiliser, il y a un peu tous les goûts et c'est des grands débats ici de savoir quel terme utiliser. Vous êtes un peu connus tous les deux sur le fait d'essayer de vulgariser, d'expliquer l'informatique. Pourquoi c'est important? Pourquoi on a besoin d'expliquer l'informatique de nos jours? Là, je pense qu'on pourrait parler tous les deux pendant 3 heures là-dessus, hein, parce que t'es tombé sur notre dada. Alors, en disant ça un peu rapidement, j'ai l'impression de répéter ça des dizaines de fois, c'est un peu fatigant. L'éducation est, qu'on a eue quand on était allé à l'école, et l'éducation qu'on offre en ce moment encore en grande partie à l'école, c'est une éducation qui était faite pour expliquer en gros le monde au début du XXe siècle. Grosso modo, on explique la physique qui permet d'expliquer ce monde-là, la chimie, tout ça. La biologie, c'était la première moitié du XXe. Or, il y a un truc qui est arrivé, que tout le monde a pu remarquer, c'est qu'il est arrivé l'informatique, est arrivé le monde numérique qui a changé complètement la donne. Et donc, pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ben, il faut comprendre des trucs du genre, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, comment fonctionne mon téléphone, qu'est-ce que c'est que le cloud, peut-être comment fonctionne un vote électronique. Il y a plein de questions nouvelles qu'il est impossible de comprendre avec la physique, la biologie, la chimie qu'on a appris à l'école. Donc on a une population qui vit dans un monde qui ne correspond pas à ce qu'elle a appris à l'école, et c'est quand même un peu catastrophique. Donc d'où notre intérêt tous les deux en tant qu'informaticiens, pour d'une part que l'enseignement de l'informatique rentre à l'école primaire, rentre au collège, rentre au lycée, ce qui est en train de se faire heureusement, mais ça prend du temps, mais bon, c'est important. Mais je pense aussi, on ne va pas passer en profit et perte toutes les personnes qui sont sorties de l'école déjà, puisque c'est quand même une majorité des gens. Et pour ces gens-là, la façon de se remettre à niveau, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, de suivre des podcasts scientifiques, d'aller lire des bouquins, de se former, d'apprendre à programmer. Il y a Obama qui nous a expliqué que tout le monde pouvait apprendre à programmer, les gosses, les personnes âgées, tout le monde pouvait apprendre à programmer. Et lui-même semble avoir écrit une ligne de code. Donc lui, il l'a fait, voilà. C'est fait. Ça. Là, on a une réaction dans la chatroom qui dit « Encore faut-il être curieux, tout le monde n'est pas curieux de savoir comment fonctionne le monde qui l'entoure ?» C'est plus qu'être curieux, c'est être capable d'être un peu, de maîtriser le monde qui t'entoure. Alors, c'est vrai que moi, je me pose la question toujours, est-ce que j'ai envie de savoir comment fonctionne mon téléphone mécaniquement, électroniquement, tout ça, je m'en fous un peu. Par contre, être capable de changer un peu le site web que j'édite pour écrire, je sais pas, 3 lignes de PHP MySQL parce qu'il y a un truc que j'aimerais bien qu'il fasse et qu'il fait pas, moi je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont importantes pour ne pas être juste esclave du monde dans lequel on est. Alors, je crois que c'est tout à fait vrai. Il est tout à fait possible de traverser la vie sans rencontrer la connaissance, sans rencontrer la beauté, sans rencontrer l'amour. Bon, c'est un choix de vie. Hein. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Et si des gens n'ont pas envie d'apprendre des choses, s'ils n'ont pas de curiosité vers le monde qui les entoure, bon, c'est eux que ça regarde. Moi, je peux juste leur dire que s'ils font un petit effort de curiosité, ils vont sans doute beaucoup plus s'amuser. Mais bon, après, chacun est libre. On n'est pas là pour porter des jugements sur la manière dont vivent les gens. Je pense que ça rejoint au-delà de justement pas forcément être curieux tout. Je pense que ça rejoint ce que disait Serge à l'instant. C'est autant comprendre exactement le fonctionnement électronique d'un téléphone, ça paraît pas très important pour tout le monde ici. Autant apprendre à programmer, là, on a passé la barrière de l'important. Donc il doit y avoir un truc en plus. Oui, disons. On est quand même obligé de dire que le développement de l'informatique, le développement des algorithmes, mais également le développement des ordinateurs, etc., change pas mal de choses. Ça change pas juste la manière dont on achète un ticket de métro ou juste la manière dont on envoie une carte postale. Ça change vraiment notre rapport à ce qu'est le travail. Ça change, par exemple, même la notion d'ami a changé. Alors la notion d'ami, elle a tout le temps changé au cours de l'histoire. Le mot ami a pris beaucoup de signification au cours de l'histoire, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, en récupérant ce mot ami, lui ont donné une nouvelle signification. Les institutions, on voit bien qu'aujourd'hui, les institutions qui nous gouvernent, enfin, que l'on gouverne plus exactement, sont une certaine partie obsolète. Et c'est aussi beaucoup lié au fait que les gens échangent beaucoup plus d'informations entre eux qu'avant. La notion de propriété est changée également. La question de... Qu'est-ce que c'est l'intelligence est également renouvelé. Donc il est un petit peu réducteur de dire apprendre l'informatique, apprendre à programmer, c'est juste savoir comment fonctionne un grille-pain ou comment fonctionne un moulin à café. Cela dit, quand on commence à s'y intéresser, comment fonctionne un moulin à café, comment fonctionne un grille-pain, ça peut être aussi passionnant. Donc je crois qu'il faut à la fois dire qu'il y a vraiment des questions fondamentales qui se posent, des questions qui interrogent notre humanité vraiment, et que ça ça devrait intéresser beaucoup de gens, pas nécessairement tout le monde, mais au moins beaucoup de gens. Mais également, il y a un petit dédain parfois sur, on entend, mais c'est pas très important de savoir comment fonctionne un grippin. Si, c'est passionnant. Du coup, on va enchaîner justement sur cet intérêt, etc., et parler un peu du travail, parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Souvent d'inspiration très américaine, très Silicon Valley, donc j'imagine que vous allez avoir des choses un peu différentes à raconter sur le sujet. En particulier, il y a de plus en plus de titres qui disent « les algorithmes vont tous nous mettre au chômage ». Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est un peu plus modéré ? Alors, les algorithmes vont tous nous mettre au chômage, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Donc, le travail, il faut quand même se souvenir que le travail n'est pas un but dans l'existence, et que passer des heures, des mois, des années à pousser des wagonnets au fond de la mine n'est pas un objectif que l'humanité devrait se fixer. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse profiter des biens, des services, de la richesse qu'on est capable de créer. Et on vit dans un monde dans lequel, par le passé, pour créer cette richesse, il y avait besoin de beaucoup de gens qui travaillaient. Et donc, c'était un petit peu en fonction du travail qu'ils faisaient, qu'on leur donnait un salaire qui leur permettait d'accéder à ces richesses. On a de bonnes raisons de penser que le monde dans lequel on vit, et surtout le monde vers lequel on va, ne fonctionnera pas comme ça. C'est-à-dire, on pourrait, en caricaturant, parce que ça ne va pas arriver en une minute, et ça ne va sans doute pas arriver complètement. Mais on pourrait imaginer un monde dans lequel eh bien, les êtres humains se reposent, les êtres humains ont des activités intéressantes, ont des activités réjouissantes, et dans lesquelles les machines fabriquent des objets. Alors, quand je dis les machines fabriquent des objets, ce n'est pas uniquement les machines fabriquent des boîtes de conserve, ou fabriquent des objets manufacturés, ou fabriquent des fers à repasser, parce que ça, c'est déjà le cas, mais c'est également des machines remplacent des métiers qu'on n'imaginait pas remplaçables par des machines. Le métier de chercheur, par exemple, il est grandement transformé par le fait qu'on a des ordinateurs qui font des calculs à notre place. Le métier d'avocat, le métier d'enseignant, le métier de médecin, tout ça, ce sont des métiers qui ne seront pas remplacés par des ordinateurs, mais où il y aura moins besoin de médecins, parce que les ordinateurs vont pouvoir faire une partie du travail des médecins, comme par exemple interpréter des radios, ou trouver des diagnostics, ou proposer des diagnostics, ou même faire certains examens médicaux qui peuvent être faits, par exemple, avec de l'imagerie médicale. Donc, on va aller vers un monde où il y aura moins besoin de travail, mais où il y aura toujours autant de richesses. Et la vraie question qui se pose à nous, c'est comment partager ces richesses. C'est pas comment donner un travail à tout le monde de manière à ce que tout le monde ait accès aux richesses. C'est ces richesses sont là, comment est-ce qu'on fait pour les partager ? Alors, par le passé, on avait un moyen qui consistait à donner un emploi à chacun. On voit que ça marche plus, et il va falloir, à l'avenir, trouver d'autres moyens de partager les richesses. Alors comment ? J'en ai aucune idée. Ok. Je ne sais pas si Serge... Je partage complètement ce point de vue. Je pense qu'il faut dissocier, alors peut-être en essayant d'affiner un peu, il faut dissocier dans le travail répétitif, pénible, inintéressant, qui est indispensable pour qui était jusqu'à maintenant indispensable pour que les gens aient de quoi manger, s'habiller, etc. Et des travaux qui sont des travaux valorisants. Par exemple, enseigner, pour moi, je trouve que c'est un boulot, c'est mon boulot, mais en même temps, je pense que si j'ai rien d'autre à faire, je le ferais quand même pas payé, si j'avais des ressources illimitées. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes, écrire des romans, faire de la musique, s'occuper peut-être des personnes âgées, avoir des contacts avec les personnes âgées, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être plus valorisantes, qui sont aussi du travail. Par contre, le travail juste pour avoir à manger et puis... Et pour pouvoir se nourrir, etc., ça ne me gêne pas du tout que ce soit des machines qui le fassent à ma place. Je trouve que c'est une grande avancée. Et comme l'a souligné Gilles, le vrai problème, c'est, pour insister complètement sur ce qu'il expliquait, parce que je pense que c'est vraiment très important, quand vous remplacez les 1000 ouvriers d'une usine par des robots, c'est vachement bien. Les 1000 ouvriers, ils ne se plaignent pas de ne plus avoir de travail, ils se plaignent de ne plus avoir de salaire. D'accord ? Donc la question, c'est pas ça. La question, c'est que la richesse qui sort de l'usine, est-ce qu'on doit la partager avec les gens qui faisaient les robots jusque-là, qui faisait les machines jusque-là, ou est-ce qu'on doit la garder juste à quelques propriétaires qui se l'accaparent ? Et c'est exactement ça le sujet, comme a dit Gilles. Oui, je comprends, et c'est, je pense en effet que c'est un sujet qui est extrêmement important. Alors, on va avoir du mal à rentrer en effet dans les idées politiques, surtout que Gilles nous a admis qu'il n'avait pas de solution politique au problème. Par contre, je voulais juste revenir un tout petit peu sur le côté « tous les algorithmes vont nous remplacer », parce que j'ai l'impression, alors peut-être que je ne regarde pas assez loin, qu'il y a deux types de métiers aujourd'hui qui ne sont pas encore en voie de remplacement. Il y a le métier de concepteur d'algorithmes, qui a l'air d'être pas tout à fait remplacé tout de suite, et même dans ces idées où les machines se commencent à faire de plus en plus de choses, j'ai l'impression qu'il y aura toujours besoin de gens pour les concevoir. Et le deuxième métier, c'est que dans toute une partie du machine learning, de toutes ces choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui, il y a des humains qui font des tâches, pour le coup, très peu valorisantes, qui sont des tâches que ne savent pas faire les machines, de décrire une image qui finalement est au bout de l'algorithme, qui n'a pas réussi à être décrite, de enfin toutes ces mines d'humains, enfin je sais plus comment on appelle ça, ces fermes d'humains qui font du travail payé à la seconde, un peu répétitif. Bon, alors il est vrai que quand on essaye de penser un peu globalement, on a tendance à caricaturer. Donc quand je disais on va tous être remplacés par des algorithmes, on va tous être remplacés par des robots, bien entendu, j'essayais de forcer un peu le trait, mais parce qu'il me semble que c'est plus intéressant d'essayer de réfléchir dans cette caricature-là que dans la caricature où les humains vont jamais être remplacés par des robots et où on va toujours garder une suprématie et ça sera toujours, nous serons toujours ceux qui seront au fond de la mine à pousser des wagonnets. Donc, bien entendu, je caricature un peu. Alors, les deux exemples sont intéressants parce que, par exemple, concepteur d'algorithme, il est vrai que c'est des êtres humains qui aujourd'hui écrivent des programmes. Mais est-ce que c'est complètement vrai ? Par exemple, quand on écrit un programme, on est souvent aidé par une machine. Par exemple, comme le soulignait Serge tout à l'heure, on écrit un programme dans un langage de haut niveau, et puis c'est un compilateur, c'est-à-dire un algorithme, qui traduit le langage, qui traduit le programme de ce langage de haut niveau vers un langage qui est exécutable par la machine. Et on s'aperçoit que là où il fallait une semaine avant, il faut, mettons, une journée. Mais donc ça veut dire que 80% du travail est désormais pris par une machine. Donc fort heureusement, il y a besoin de un grand nombre de concepteurs d'algorithmes, aussi bien que peu d'entre nous sont au chômage aujourd'hui. Mais on s'aperçoit que même là où on a l'impression que bon, c'est pas, des algorithmes ne vont pas être totalement autonomes et écrire d'autres algorithmes, il y a besoin d'un peu d'intelligence humaine, et c'est vrai. Mais même là, on est quand même très aidé par les ordinateurs. Après, il est vrai aussi que développer des systèmes informatiques induit aussi, comme d'autres travaux, des tâches répétitives. Et donc, il y a effectivement aussi des gens qui font des tâches répétitives parce que pour concevoir des algorithmes, il y a des parties intéressantes, puis il y a des parties qui sont un peu plus répétitives. Comme d'ailleurs Serge disait qu'il adorait enseigner, moi j'adore enseigner aussi, mais il y a un aspect très répétitif dans l'enseignement, c'est corriger les copies, et le jour où une machine pourra le faire, je crois pas que je me plaindrais de perdre cet aspect-là de l'enseignement. Et donc oui, il faut penser après secteur par secteur, il faut nuancer, il faut faire une définition beaucoup plus précise. Mais la vraie question, moi, me semble quand même celle-ci, qui est, on va avoir besoin de moins de monde, alors ne disons plus de plus personne, mais disons on va avoir besoin de moins de monde pour produire plus de richesses, et comment est-ce qu'on répartit ces richesses ? Et quand je disais j'ai pas de solution, ce n'est pas que je ne pense pas qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il me semble que c'est pas uniquement aux informaticiens de proposer des solutions, et c'est un problème politique dont doit se saisir non pas les politiques mais l'ensemble de la population. Et moi il me semble que c'est la vraie question sur laquelle on devrait voter. Par exemple, on va voter l'année prochaine pour élire un président de la République. Moi j'aimerais que les candidats me disent dans leur programme quel projet ils ont pour répartir des richesses qui sont créées par des machines. Je reposerai même cette question, si on trouvait demain une corne d'abondance dans la forêt et que cette corne d'abondance nous donnait toutes les richesses qu'on voulait, aussi bien les fruits les plus savoureux que les machines les plus sophistiquées, que même les services les plus les mieux faits, eh bien, à qui reviendrait le bénéfice de la vente de ces objets ? D'abord, est-ce que ces objets devraient être vendus ? Est-ce qu'ils doivent avoir un prix ? Est-ce qu'ils doivent être gratuits ? Et à supposer qu'ils soient vendus, comment est-ce qu'on fait pour répartir ? Est-ce que c'est la personne qui a trouvé la corne d'abondance dans la forêt qui doit avoir tous les revenus de cette corne d'abondance ? Par exemple, ça ne me paraît pas une solution possible. Et c'est ce genre de problème politique qui aujourd'hui se pose à nous. Et une des raisons pour lesquelles on a eu l'idée d'écrire ce livre, c'est qu'on trouvait que ces problèmes étaient un tout petit peu absents du débat politique, alors qu'ils sont vraiment au centre des questions politiques du XXIe siècle. Je ne peux pas être plus d'accord avec ça, c'est pour ça qu'on écrit le bouquin. Mais je vais peut-être quand même, parce que pour pousser un peu les problèmes, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui se posera à nous comme question demain matin, c'est peut-être plus loin. La question de Gilles, qu'est-ce qu'on fait demain matin sur les richesses qu'on construit, elle est pertinente pour demain matin. À plus long terme, moi j'aurais tendance à dire à la question, est-ce que des ordinateurs pourront faire n'importe quel travail d'humain? Moi, j'aurais tendance à dire, j'ai l'impression que oui. Parce que si on regarde l'évolution de notre domaine, on a quoi comme recul? On n'a pas beaucoup de recul, on a moins de 100 ans. En moins de 100 ans, si on compare ce qu'on savait faire comme machine et ce qu'on savait comme algorithme et comme programmation et ce qu'on sait aujourd'hui, les progrès sont carrément époustouflants. Alors si on essaie de faire une vague interpolation, on ne voit pas très bien quels sont les problèmes qui vont nous résister. Hein. Je ne dis pas qu'on aura des algorithmes qui seront capables de résoudre des problèmes par eux-mêmes dans 20 ans, dans 30 ans, encore que déjà ils le font sur des problèmes simples, mais pour des problèmes complexes, dans 100 ans, dans 200 ans, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Alors, après, si on se projette très loin vers le futur comme ça, et peut-être même à plus court terme, on a peut-être d'autres questions, mais qui sont des questions qui sont moins urgentes, qui sont, et cette population qui n'aura plus de travail, comment on la motive, qu'est-ce qu'on va lui faire faire, d'accord? Donc c'est un thème de science-fiction, c'est un thème qui peut se poser, c'est-à-dire que même d'une certaine façon, ce qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez une société qui devient du jour au lendemain très altruiste et qui donne à tout le monde un salaire de base pour partager les richesses, ben, est-ce que les gens ont besoin d'un rôle social qui serait, ils servent à quelque chose, ils font quelque chose? Et donc là, c'est aussi des questions sur lesquelles on peut réfléchir. Mais je pense que la vraie question au départ, c'est comment on fait demain matin pour partager les richesses. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Il y a une fois, on s'était amusé justement pendant le podcast à réfléchir à quel type de métier pouvait résister à un ordinateur. Et en toute humilité, on s'était dit que la vulgarisation pouvait éventuellement être un truc compliqué à faire par un ordinateur, parce que ça repose notamment sur des analogies, sur des choses qui sont typiquement comment on passe d'humain à humain. Quoi. Donc, je ne suis pas certain. Il y a des tas de travaux aujourd'hui sur la modélisation de la compréhension humaine. Et donc... il y a des gens qui travaillent sur qu'est-ce que peut comprendre un être humain. Alors, pour l'instant, c'est balbutiant, on ne sait pas faire grand-chose, mais encore une fois, on va tellement vite que même ça, j'ai peur que... Mais ça allait pour moi avec l'autre question qui est comment on occupe les gens, parce qu'a priori, il y a une occupation naturelle qui est de partager des savoirs, de partager des connaissances, enfin plein de choses, quoi. Donc, faire comprendre un certain nombre de trucs. Mais cela dit, si ça se fait tout seul... Non, mais ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est que si moi, il faut que je trouve un métier... qui ne sera jamais remplacé par les ordinateurs, j'ai tendance à penser au métier d'informaticien. En revanche, quand on pose la même question à Romain, il pense que c'est le métier de médiateur. Et quand on pense... Les coiffeurs pensent que c'est les coiffeurs. Et quand on pose la question à mon coiffeur, il nous dit que jamais une machine pourra coiffer quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a un tout petit peu un biais personnel dans la manière dont Romain pose la question. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas facile, ni pour nous, ni pour les coiffeurs, ni pour les médiateurs, de se dire finalement, je peux être remplacé par les machines. C'est vrai que c'est un quelque chose qu'on a un peu de mal à admettre et sur lequel on fait tous un peu de résistance. Hein. Je pense que Serge avait d'ailleurs dit que le métier d'enseignant était difficile à remplacer par un ordinateur. Donc, mais cela dit, il faut bien voir que les gens qui nous expliquaient il y a 20 ans que, je ne sais pas, le métier par exemple de dessinateur, projeteur dans un cabinet d'architecte pourrait jamais être remplacé par un logiciel, aujourd'hui on est bien obligé de reconnaître que la plupart des bâtiments sont fabriqués avec des logiciels, alors avec un architecte, mais des logiciels, et que le métier de projeteur, il y en a toujours besoin de quelques-uns, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de projeteurs qu'il y en avait par le passé. Donc il faut résister à cette forme de narcissisme qui consiste à penser que son seul travail, son métier sera le seul qui survivra. Je crois qu'on va tous y passer, on est tous logés à la même enseigne. Comment occuper ses journées, c'est une vraie question. Par exemple... Il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à consommer de la fiction. Donc là, avant la fiction, on y accédait principalement par la lecture d'un livre. Maintenant, à partir du XXe siècle, disons, on y a aussi accédé par la consommation de films, par le fait de voir un film. Aujourd'hui, la fiction vient beaucoup plus à nous par des vidéos, par de très très longues séries. Un de mes amis, qui a pourtant pas un très grand nombre d'années, me disait qu'il avait calculé qu'il avait passé en continu 7 mois à regarder des séries à la télé. 7 mois, c'est une partie non négligeable de sa vie. Et puis on voit qu'il y a des livres interminables. Moi, j'arrive pas à terminer Harry Potter, j'ai pas le temps, quoi. Mais je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui ont réussi à lire les 3600 pages de Harry Potter. Et encore, il y a moins de pages que Game of Thrones, je crois. Voilà, et donc on se dit, voilà, on a trouvé la solution. Au lieu de vivre, les gens vont écouter des histoires. Vivent par procuration. Vivent par procuration. Et ça, je me dis, c'est pas forcément quelque chose de terrible. Ça serait peut-être mieux qu'eux-mêmes vivent des choses. Et puis, si plus personne ne vit rien, de quoi va parler la fiction ? C'est aussi un problème. Donc, donc c'est vraiment des questions passionnantes de savoir à quoi allons-nous passer nos journées quand nous serons un peu libérés du travail. Ça ne veut pas dire qu'on va plus travailler. Mais supposons qu'on travaille 4 heures par jour, par exemple, à quoi allons-nous passer les 20 heures qui restent ? C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas plus de réponse qu'à la création. Oui, mais la création, il faut bien que si on pense à l'art comme raconter des histoires, l'art de raconter des histoires. Bon, c'est pas uniquement ça, mais en même temps, on va pas non plus passer nos journées à courir d'une galerie à une autre pour voir de la peinture ou de la sculpture, par exemple. Je connais des gens qui font ça. Oui, bon, OK, mais on va pas tous faire ça. En fait, sur l'art de raconter des histoires, ça rebondit sur la remarque que je voulais faire sur le début de l'intervention sur Robin qui ne se voit pas remplacé. Je pense que ce que disait Robin va un tout petit peu plus loin, parce que quand on avait abordé le sujet, c'était même moi qui abordais le sujet, j'avais pas dit tout de suite je ne pourrais pas être remplacé, mais j'avais l'impression au fil de mes lectures que ce que disait, c'est qu'il y aurait toujours besoin d'un humain dans la chaîne pour un rôle qui est finalement assez futile, mais qui est, on aurait une machine, par exemple pour le médecin, totalement automatique qui fait le diagnostic, mais il y aurait un humain pour juste dire « Monsieur, vous avez un cancer ». Parce qu'il y a besoin du contact humain, parce qu'il y a besoin de tout un contact physique, etc. Alors, on peut aller très loin en se disant, on va construire un robot qui va reproduire physiquement un humain, mais ça a peu d'intérêt par rapport à mettre un humain pour juste transmettre le message. Et ça rejoint un peu l'idée de dire aussi à d'autres personnes qui disent que toute la partie storytelling, qui finalement est juste raconter des choses à des humains par des humains, sera sans doute encore fait des humains, parce qu'en fait, ça a peu d'intérêt à être fait par des machines. Oui, alors il est possible, hein, c'est vrai, je veux dire, au lieu de passer des centaines d'heures à soigner un patient, et peut-être qu'on a juste besoin d'un médecin une minute pour lui annoncer ce type de nouvelles, où effectivement, en tout cas moi je ne suis pas prêt à recevoir un mail qui me dit que j'ai un cancer ou non, quoi. Donc c'est sûr. Cela dit, est-ce que le contact humain est toujours aussi intéressant que dans ce cas-là. Par exemple, y a beaucoup de gens, il y a quelques années, qui trouvaient rébarbatif d'utiliser une machine pour, par exemple, acheter des tickets de métro. Et ils trouvaient que c'était mieux de discuter avec un agent de la RATP qui leur vendait un ticket de métro. Mais en fait, quand on voit ce type de contact humain qu'on a avec un agent de la RATP qui, en général, est derrière une vitre, moi, c'est le genre de contact dont je peux me passer. Et surtout, si je pense à la vie de cette personne qui passe essentiellement 8 heures par jour enfermée dans une cage à donner des tickets de métro, je me dis, si cette personne peut être remplacée par une machine, à la fois, c'est mieux pour elle. Et puis même, c'est presque mieux pour moi, disons, c'est cette espèce de fausse interaction humaine ou même l'interaction qu'on peut avoir avec un caissier ou une caissière au supermarché. Bon, c'est vrai que ça met un peu d'humanité, mais pas énormément d'humanité. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut réfléchir à le peu de contact qu'on a avec des personnes, à comment rendre ces contacts de qualité. Parce que les beaucoup de contacts qu'on a dans un échange commercial ou quoi, sont finalement des contacts assez pauvres. Par exemple, je préfère de loin envoyer un mail à une administration que passer 3 heures au téléphone à essayer d'expliquer 30 fois mon problème à 30 personnes différentes parce que j'ai pas encore trouvé la bonne personne. Bon, je me dis au moins si mon mail doit être se forwarder, s'il doit être, si on doit le faire suivre 30 fois, bon, ben, au moins, je n'aurais pas à le retaper. Disons, par exemple, cette interaction au téléphone avec des administrations, elle est horrible. Et donc, si on peut la supprimer, même si on pense que c'est un contact humain, donc on se dit c'est bien, a priori, bon, ben, en fait, non. Quoi. Genre, c'est bien que ce type d'interaction soit supprimée pour être remplacée par des choses plus riches. Serge, tu as peut-être un avis là-dessus, vu que en parallèle d'être informaticien, tu es romancier. Donc le fait de raconter des histoires à d'autres humains, est-ce que c'est comme le métier d'enseignant, ce ne sera jamais remplacé par des machines? C'est une bonne question, parce que là-dedans, il y a deux métiers, en fait. Il y a deux actions. Il y a l'action d'écrire un roman, et il y a l'action de le lire. Et donc, si on se projette vraiment vers l'avenir et qu'on arrive à voir des machines capables d'écrire des romans qui soient à la limite même de meilleure qualité, plus passionnants, plus intéressants, plus tout, meilleur entre guillemets, parce que c'est compliqué d'arriver à classifier meilleur, mais meilleur que ce que ferait un écrivain. Donc ça, premièrement, ça n'empêcherait pas le plaisir que moi je trouve à écrire. Donc moi, le premier plaisir que j'ai, c'est d'abord d'écrire et de me faire lire par des amis. Donc ça, ce truc-là, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est négociable. C'est-à-dire qu'une personne peut toujours trouver du plaisir à écrire, même s'il y a plein d'ordinateurs qui le font mieux qu'elle. J'ose espérer que mes amis ont plus de plaisir à lire ce que j'ai écrit qu'à lire ce qu'a écrit un ordinateur. Donc de ce point de vue-là, cette partie-là, j'y crois un peu. Alors après, la question de savoir si un jour un ordinateur sera capable d'écrire mieux qu'un humain, j'en sais rien. Je pense que c'est pas demain matin, quand on voit les difficultés qu'on a avec Google Translate ou des choses comme ça, qui ont fait énormément de progrès, mais on est quand même encore assez loin. Les ordinateurs qui écrivent des textes, hein, il y a des programmes qui arrivent à écrire des textes. C'est assez pathétique. Hein. Il y a des domaines où on se débrouille beaucoup mieux. Ça permet d'être publié parfois, par contre. Oui, ça permet d'être publié. D'être publié scientifiquement, je crois qu'il y a des ordinateurs qui ont réussi à faire des publications scientifiques. Non, c'est parce que le reviewing n'a pas fait son travail. Ouais, donc ouais, ça n'a rien à voir. Des mauvaises publications scientifiques, il y en a qui sont écrites par des ordinateurs, mais aussi par des êtres humains. C'est pas... donc là, on n'est pas du tout... Là. Moi, je pars du principe que j'écris des romans intéressants et que mes compétiteurs sont des ordinateurs qui écrivent aussi des romans intéressants. Alors, cela dit, moi, je vais vous révéler une chose, c'est qu'en fait... Les romans de Serge sont écrits par une machine. Alors, pas entièrement, mais la manière dont Serge écrit, donc il écrit avec un traitement de texte, est grandement transformée par le fait qu'il écrit avec un traitement de texte. Il s'avère que je suis suffisamment vieux pour avoir écrit un texte à la machine à écrire. Et donc, quand vous vous trompiez à la machine à écrire, il y avait une petite peinture blanche qu'on mettait sur le texte faux, et puis il fallait attendre qu'elle sèche, et puis on pouvait retaper dessus, mais on pouvait pas le faire plus de deux fois ou trois fois. Et donc, il faut penser que même Flaubert, qui réécrivait énormément, écrivait 8-10 versions du même texte. Il y avait des petits bouts, des flèches qui lui permettaient de rajouter un morceau de phrase, etc. Mais le processus même d'écrire a été grandement transformé par les traitements de texte, pas simplement par le fait que on peut transformer le texte à l'infini, et d'ailleurs c'est pour ça des fois qu'on n'arrive pas à finir ce qu'on écrit, mais on peut écrire 100 fois la même chose, hein, simplement en déplaçant un adjectif, en se disant non il est mieux là, non il est mieux là, non il est mieux là, non il est mieux là, finalement je le supprime. Des meilleures formules, oui, des propositions de synonymes. Il y a aussi autre chose, c'est quand on écrit avec derrière soi le web, et ça a changé complètement l'écriture. Et j'ai l'impression de temps en temps sur certains romans que je lis de lire des passages de Wikipédia. J'imagine que c'est très tentant pour un écrivain. Vous êtes en train de raconter, je ne sais pas, vous allez vous balader du côté du métro Crimée, et par exemple, et vous n'y connaissez pas grand-chose. Donc vous allez sur Wikipédia ou sur le web ou sur n'importe quoi, et puis vous allez trouver des tas de textes qui vont raconter des troquets sympathiques à côté du métro Crimée. Et je pense j'ai l'impression de temps en temps, sur certains textes, j'ai l'impression de lire du Wikipédia. Je ne sais pas si c'est une fausse impression, mais des fois on a l'impression que c'est quand même très très copie-collé, quoi. Le Wikipédia nous donne à tous le bonheur d'être érudit. Alors souvent d'une fausse érudition, puisque on citait Flaubert, c'est souvent une érudition à la Bouvard et Pécuchet. Mais j'avais fait une conf à Rouen une fois où j'avais commencé d'une manière très très érudite en discutant une phrase de Montaigne que tout le monde cite mais que tout le monde cite mal, et j'avais donné la bonne citation de Montaigne. J'avais dit exactement d'où ça sortait dans les essais et dans quelle édition, etc. Bon. Et une demi-heure après, au cours de la conf, j'avais essayé de poser la question à mon éditeur. Je leur avais dit, mais à votre avis, d'où me vient mon érudition sur Montaigne? Est-ce que vous pensez réellement que j'ai passé 20 ans de ma vie dans une bibliothèque non, mais dans une bibliothèque à comparer différentes éditions de Montaigne et les brouillons de ceci et de cela, etc. Et j'ai dit, bien sûr que non. J'ai juste trouvé ça dans Wikipédia une demi-heure avant de préparer l'exposé. Et ça, c'est très différent, parce que j'aurais fait le même exposé il y a 50 ans. Aller retrouver une citation dans les 800 pages des essais de Montaigne, je crois que ça m'aurait un peu fatigué, j'aurais abandonné tout de suite. Alors que là, juste en tapant la citation que je connaissais par cœur, je suis tombé sur le texte de Montaigne où c'était la citation, je me suis aperçu qu'elle était mauvaise, et donc qu'elle était pas exacte, et donc il y a une forme d'érudition que moi je retrouve dans beaucoup de textes que je lis. C'est-à-dire tout d'un coup, je sais pas, il y a par exemple mes amis qui travaillent sur le logiciel libre sont devenus incollables sur l'histoire du droit d'auteur, de Beaumarchais, etc. Bon, et je sais un peu d'où leur vient leur érudition. Et j'ajouterais même que c'est aussi quelque chose qui a révolutionné peut-être il y a quelques années un peu plus le monde de la recherche. Moi, je sais que j'ai fait une thèse après la création de Google Scholar. Je n'imagine même pas comment ça s'en faisait avant, en fait. Donc Google Scholar, c'est Google pour les scientifiques, c'est pour chercher des publications, on peut chercher par auteur, on peut chercher, on voit le nombre de citations, etc. On peut télécharger les publications, etc. Toi, t'es matheux, mais si tu vois, enfin moi je vois par exemple en histoire, la façon dont ça change est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, un historien, son fonds de commerce, c'était de prendre sa valise et d'aller étudier un fonds bibliothécaire à New York, à Rome, à n'importe où. Et c'était ça son travail. Donc en fait, il allait et il désossait des fonds bibliothécaires et il écrivait son petit truc. Maintenant, disons que c'est déjà relativement standard. Il y a énormément de documents qui sont de matière première, de matière brute, qui sont disponibles sur Internet, et dans 50 ans, grosso modo, tout sera disponible, pratiquement numérisé. Et donc le métier va changer, c'est-à-dire qu'on pourra faire ce genre de recherche sans quitter son bureau, ce qui est pour chercher un texte dans un livre, parce qu'en fait c'est un enfer quand on retombe sur un livre papier qui n'est pas numérisé d'aller chercher un texte, on n'a plus l'habitude. Bon, alors je vais revenir du coup sur le gros du débat de ce qui est du sujet, c'était la politique. Alors je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable. Tu disais tout à l'heure que c'était un sujet qui n'était pas très débattu. Moi, j'ai plutôt l'impression que le choix, il est déjà fait par certaines entreprises qui, en fait, ont décidé que la répartition des richesses, c'était à sens unique. Et en fait, ce choix politique, il est fait aujourd'hui dans la plupart des technologies qu'on utilise. Et j'ai l'impression de manière consciente. Alors, c'est vrai. C'est vrai que les inégalités ont beaucoup augmenté du fait de l'automatisation d'un certain nombre de tâches, et on voit que les propriétaires des entreprises, je ne sais pas, on peut citer Google, Apple, Facebook et Amazon si on veut, mais également d'autres entreprises comme Uber, Airbnb, etc. De toute façon, toute l'économie numérique aujourd'hui fonctionne sur ce même modèle. Mais on s'aperçoit qu'il y a des fortunes énormes qui sont construites. Donc ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, une grande partie de la richesse qui est créée par des machines, elle est accaparée par un petit nombre de gens qui sont en général des gens de talent, mais le talent ne justifie pas qu'ils soient aussi riches. Leur talent pourrait justifier qu'ils soient un peu plus riches, peut-être, mais pas, certainement pas qu'ils soient 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois plus riches qu'un ouvrier ou qu'un chercheur. Alors, il faut se poser la question pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un choix pérenne qu'on a fait pour l'avenir? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on pense aujourd'hui avec des technologies du 21e siècle, mais des systèmes politiques, des valeurs qui sont celles du 20e siècle? Donc par exemple, j'ai fait une fois une intervention, non pas à Rouen cette fois-ci, mais à Caen, vous voyez que je voyage beaucoup, devant des lycéens, et le thème de la conférence était le téléchargement, légal et illégal. J'ai commencé par leur poser la question, est-ce que vous trouvez normal que Johnny, Maître Gims et Mylène Farmer, je suis désolé, c'était les trois qui avaient été qui avaient eu le revenu le plus important à la SACEM cette année-là, c'était il y a quelques années. Je leur dis, est-ce que vous trouvez qu'il est normal qu'ils soient aussi riches? Est-ce qu'il est normal qu'ils gagnent des millions d'euros alors que, bon, certains musiciens, peut-être moins talentueux, vivent avec quelques milliers d'euros par an, quoi. Donc j'ai posé cette question aux lycéens. Et moi, je m'attendais un petit peu à des lycéens idéalistes qui allaient me répondre que non, il faudrait que tout le monde gagne la même somme d'argent ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable, Maître Gims, il a un tel talent que c'est normal qu'il gagne 1000 fois ou 100 000 fois ce que gagne un musicien ordinaire. Alors, on voit que les valeurs c'est pas des vieux qui ont vécu au XXe siècle principalement, c'était des jeunes qui étaient nés dans les années 2000. On voit que les valeurs qui sont les nôtres sont encore celles que quelqu'un qui a beaucoup de talent, il est normal qu'il ait un écart de salaire gigantesque avec le reste du monde. Cette idée, à mon avis, va au cours du XXIe siècle un petit peu être relativisée. On s'aperçoit déjà que pour les patrons, elle est déjà relativisée. C'est-à-dire on commence à se poser la question, quel est le salaire d'un patron comparé à un employé de son entreprise? Et, bon, c'est une bonne question, mais il faut bien voir que les patrons sont des pauvres comparés aux footballeurs et aux chanteurs. Et cette question, aujourd'hui, qu'on ne remet pas en cause, qui est celle du salaire des grands sportifs et des grands artistes, je crois qu'un jour, et également des grands découvreurs, des grands ingénieurs, des grands innovateurs, je pense que cette question, on ne pourra pas y échapper. On ne pourra pas y échapper au XXIe siècle. Ou alors, on va aller vers un monde tellement inégalitaire qu'il risque d'y avoir, je ne sais pas, des violences physiques, des révolutions. Picasso, une fois on avait demandé à Picasso pourquoi il était au Parti communiste, et il avait répondu, parce que je suis millionnaire et je veux le rester. Et je crois qu'un jour, les Picasso et les Johnny vont devoir comprendre que le monde dans lequel on vit ne peut pas fonctionner comme ça. Ils étaient un tout petit nombre au XXe siècle, mais il va nécessairement y avoir une redéfinition de ça. On vient encore dans le monde du XXe siècle du point de vue politique et du point de vue des valeurs. Et attendre que ça vienne de la politique, est-ce que c'est pas aussi raisonné comme au XXe siècle finalement? Parce que si on prend un exemple, bon, qui est très contemporain, le Bitcoin, ça a marqué un peu une étape où justement on a mis en dur dans un code source des idéologies politiques, en tout cas une idée d'anti-inflation dans un code source. Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre de la politique, ou est-ce que c'est pas par des individus ici et là et par l'utilisation de leur logiciel qu'on va réussir à modifier cette répartition et ce système? Alors, je pense que la situation est complexe, et on va prendre un exemple très, très concret, qui est les grandes plateformes du web qui aujourd'hui accaparent une partie de la richesse mondiale considérable et qui, d'une certaine façon, se comportent un peu en oligopole, parce qu'ils disposent des données que personne d'autre n'a, n'en dispose personne d'autre, des moyens de calcul, de tout ça. Et d'une certaine façon, de fait, aujourd'hui, ils biaisent complètement toute concurrence commerciale, ou en tout cas à terme, la concurrence commerciale n'existe plus, et il y aura quelques grandes oligopoles comme ça qui vont se partager tout le futur du web, avec tout ce que ça veut dire, parce que c'est pas juste un truc d'informaticien, le web. Aujourd'hui, le web, c'est là que vous choisissez votre hôtel, vous prenez votre transport, vous achetez vos bouquins, etc. Donc c'est tout ça, c'est tout le commerce, hein, qui est en jeu. Mais personne n'est forcé d'utiliser, pour les citer, hein, d'utiliser Google pour chercher son hôtel, C'est plus complètement clair, c'est-à-dire que quand d'abord ils offrent ils sont quand même très professionnels, ils vous offrent un service, prenons Booking, ils vous offrent un service service qui est incomparable, et vous avez besoin d'un hôtel, vous avez soit le choix entre vous emmerder pendant une demi-heure sur le web, soit vous allez sur Booking, vous allez avoir à peu près accès à tous les hôtels qui sont dans l'endroit où vous allez, vous allez avoir des commentaires, tout ça est vachement pratique, il y a juste à cliquer, tout est bien, etc. Donc il y a aussi le côté pratique et le côté informatif, ça rend un service. Les gens ne vont pas là-dessus juste parce qu'ils n'aiment pas les hôtels, ils vont là-dessus parce que c'est plus pratique que d'aller regarder dans tous les hôtels. Donc, et on retrouve ça, on peut décliner. Hein. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut sortir de ce modèle-là ? Parce que c'est un modèle qui est un modèle d'une certaine façon de réseau, où plus vous avez de puissance, plus vous accaparez de clients, plus vous avez de clients, plus vous avez de puissance, etc. Donc d'une certaine façon, c'est est-ce qu'on a une chance de sortir de ce modèle-là ? Et alors la réponse est sûrement, mais pas, la solution ne sera pas triviale, d'accord ? Alors première chose, est-ce qu'on a besoin des gouvernements ? Je pense que oui, on a besoin des gouvernements. Si aujourd'hui, ces boîtes-là, par exemple, ne payent quasiment pas d'impôts en France... c'est pas moi qui décide les impôts. Je veux dire, vous demandez à tous les gens autour de vous, est-ce que c'est normal que, je sais pas, Google, Amazon et Facebook ensemble en France payent moins d'impôts que Yellow Pages, les pages jaunes? Les gens vont dire, ah non, c'est complètement débile. Mais bon, c'est pas vous qui décidez les impôts. Donc c'est un truc qui doit être fait par les gouvernements. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fondamentalement des choix politiques et des choix qui peuvent être faits que par les gouvernements et pas vous. C'est pas vous qui décidez des impôts. Et à la limite, même pas les gouvernements français, on parle de l'Europe, là, on parle même pas oui, de... Oui, enfin même, parce que c'est ce qui allait me faire réagir, c'est que ce qu'on appelle gouvernement aujourd'hui, ils sont très liés aux États, qui sont des notions qui sont très liées à une position géographique, ce qui est un réel non-sens par rapport à tous ces acteurs dont on parle. C'est un non-sens, mais c'est aujourd'hui le degré dans lequel les impôts sont perçus et les dépenses qui correspondent aux impôts sont réalisés. Donc on ne peut pas dire, non, je suis désolé, ces grosses boîtes, elles sont internationales, donc elles ne paieront pas d'impôts en France, parce que c'est en France qu'il faut payer les hôpitaux et les écoles, donc, et l'armée. Donc, Alors justement, ça me fait rebondir. Est-ce que, quand on la description tout à l'heure de ce service de qualité, etc., ça fait beaucoup penser à une description du service public, finalement. Est-ce que c'est pas un rôle qui devrait... Est-ce qu'un moteur de recherche, ce serait pas un rôle de service public plutôt qu'une entreprise privée ? Alors, Serge a évoqué un point qui est important, c'est celui d'un principe qu'en informatique, on appelle le vainqueur remporte toute la mise. Donc vous savez certainement, parce que vous l'avez vécu, que quand on est 8 à manger une pizza, on a moins de pizza que quand on est 4 à manger une pizza. Donc plus on est à manger la pizza, moins il y a de pizza. En informatique, les choses marchent exactement selon le principe inverse. Plus vous êtes sur un réseau social, mieux c'est. C'est-à-dire, si vous faites un réseau social et que vous êtes 4, c'est moins bien que si vous faites un réseau social et que vous êtes 8. Vous allez pouvoir échanger avec plus de personnes. Donc par exemple... La valeur d'un opérateur de téléphone mobile, c'est-à-dire principalement d'un carnet d'abonnés, elle ne croît pas linéairement avec le nombre d'abonnés, elle croît plus vite parce que chaque abonné a un meilleur service, plus il y a d'abonnés. Donc ça veut dire que le mécanisme qu'on connaissait pour réguler l'économie de la pizza, qui était la concurrence, qui était de dire, comme la pizza est un bien à partager, s'il y a... Le mécanisme de la concurrence va faire qu'il y aura plusieurs pizzerias, et puis c'est la meilleure pizzeria qui va vendre plus de pizzas, mais les autres vont quand même avoir une part de marché, etc. Ce système de la concurrence, il aboutit, dans le cas des objets informatiques, à un monopole. C'est-à-dire, vous pouvez aujourd'hui trouver que le réseau Internet est mauvais, vous pouvez décider de faire un réseau parallèle, vous pouvez commencer à déployer de la fibre optique à travers Paris, sous l'océan, etc. Vous n'arriverez pas à dépasser Internet parce que Internet a déjà beaucoup d'ordinateurs qui y sont connectés et donc Internet aura toujours une valeur supérieure à la vôtre. Donc on s'aperçoit que toute notre manière de penser l'économie, en gros depuis le Moyen-Âge, qui était fondée sur la concurrence, ne fonctionne plus tout à fait. Donc ça veut dire que nécessairement, il va y avoir d'autres idées, d'autres systèmes politiques, d'autres valeurs qui vont apparaître. Et encore une fois, je ne sais pas exactement par quel processus et je ne sais pas exactement quelles valeurs vont émerger. Ce n'est pas forcément des valeurs qui seront meilleures que celles qu'on a aujourd'hui. Mais il y a vraiment un changement dans la nature même des objets économiques, dans la nature même des biens, qui fait que les choses ne pourront pas rester dans l'état dans lequel on les connaît aujourd'hui. juste un petit calcul que j'ai fait pour vous sur le rôle des États. Parce que quand je parlais de la sphère politique, je ne pensais pas uniquement au gouvernement d'un État particulier. Bon, y a une légende urbaine, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais bon, ce n'est pas très grave. C'est que quand on a découpé en décembre 1789 les départements, on a découpé le royaume de France à l'époque en départements, bon, il y a plus ou moins une légende qui veut qu'on ait choisi la taille des départements de manière à ce que de n'importe quel point on puisse faire l'aller-retour au chef-lieu à cheval en moins d'une journée. Bon, en fait, il semble que ça soit plutôt faux, mais disons, c'est pas grave. En fait, la taille des départements correspond à peu près à ça, c'est-à-dire vous êtes en général à 50 km du chef-lieu ou à 60 ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pourquoi le cheval ? Parce que le cheval était le moyen le plus rapide à la fin du XVIIIe siècle pour transporter un bit d'information d'un point A à un point B. Le bit d'information, vous le mettiez sur le dos d'un cheval, donc ça pouvait être ou bien une pièce de monnaie, ou bien une lettre, ou bien même un messager qui allait répéter le message une fois arrivé au chef-lieu, et puis vous lancez le cheval au galop, puis il allait à 20 km/h, et c'était bien comme ça. Aujourd'hui, le moyen le plus rapide pour envoyer un bit d'information d'un point à un autre, c'est la fibre optique, et donc le photon dans la fibre optique va un peu moins vite que dans le vide, il va seulement à 200 000 km par seconde. Et donc si on découpait aujourd'hui les départements selon le même algorithme que celui qu'on a employé à la fin du XVIIIe siècle, eh bien on s'apercevrait que le département dans lequel on vit, ici, et je pense que ça concerne beaucoup des auditeurs, le calcul sera peu différent, il irait jusqu'à la planète Uranus. Donc la planète Uranus serait dans notre département, mais la planète Neptune serait dans la même région, mais dans le département voisin. Et voilà, donc ça veut dire que la taille des départements est quelque chose de tout à fait, ridicule aujourd'hui. Donc ça veut dire que toute l'idée politique qu'on a eue au XXe siècle, que c'était bien de décentraliser, ben finalement, ça sert surtout à dupliquer d'une mairie d'arrondissement à l'autre des services qui font la même chose et qui ne se parlent pas. Et donc, ça veut dire qu'il y aura aussi nécessairement des émergences de pouvoirs mondiaux. Par exemple, il y a un pouvoir qui est faible, qui n'est pas très important, qui est celui de donner des noms de domaine sur le web. Eh bien, c'est une truc. Fait pas partie aussi des gros qui ont un peu tous les pouvoirs très centralisés. En tout cas, c'est une administration mondiale. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer que chaque pays distribue des adresses IP et des noms de domaine indépendamment des autres. Bon, alors distribuer des adresses IP, des noms de domaine, c'est un peu sensible. C'est pas non plus un grand pouvoir. Donc on n'est pas dans une entreprise qui accapare un pouvoir énorme. Mais on ne peut pas imaginer cette entreprise au niveau de l'Union européenne, avec ou sans Royaume-Uni. Ça ne change rien à la taille, à l'ordre de grandeur de l'Union européenne, qui est par exemple un trop petit pays. Oui. Mais alors justement sur cette logique de bits et de la taille jusqu'à Uranus, par contre, autant on a le département et le département d'à côté, où là on va même plus parler du département d'à côté, on est tous dans le même département, mais on a quand même une différence, c'est qu'on va avoir des communautés assez disjointes qui sont sur la même zone géographique. Ça rejoint ce que je faisais remarquer tout à l'heure, où finalement la géographie est peut-être plus le moyen de regrouper les individus pour créer un gouvernement ou des règles. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter non plus au gouvernement, parce que ce n'est pas la bonne mesure. Et je pense que il faut les contre-pouvoirs de ces grandes entreprises du web. Bon, évidemment, j'ai commencé par dire les gouvernants, parce que là, c'est ce qui peut décider à court terme. Mais les vrais contre-pouvoirs, à mon avis, se situent ailleurs. C'est-à-dire, c'est dans un registre qui est un registre beaucoup plus politique, au sens qu'il ne connaît pas forcément non plus de frontières d'État. Alors donc, par exemple, il y a une économie qui est ancienne, qui n'est pas quelque chose de nouveau et qui marche particulièrement bien en France, qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une vieille idée. C'est l'idée que on n'est pas forcément... On est dans une collectivité avec des gens qui ont à peu près des besoins et des envies qu'ils vont partager et qui vont mettre ensemble des ressources. Donc une alternative crédible à ce genre d'organisation, l'organisation actuelle, qui est une organisation d'oligopole avec des sociétés qui font leur boulot. Hein. Je veux dire, moi, j'ai rien contre le fait qu'on leur a mis un cadre dans lequel elles font de l'argent, et dans ce cadre-là, ils vendent des bons services, et tout le monde est content, et on les achète, etc. Mais il y a, si on veut s'organiser autrement, il y a d'autres façons de s'organiser. Il y a des résultats qui sont des résultats tangibles. On a vu, par exemple, des collectivités développer des logiciels libres, par exemple. Internet, aujourd'hui, fonctionne majoritairement sur des logiciels libres, pas des trucs qui ont été développés par IBM ou Microsoft, par des logiciels qui ont été développés par la communauté de logiciels libres. On voit Wikipédia. Donc, il y a des possibilités de s'organiser autrement. Alors évidemment, ça, c'est des espaces de liberté qu'il faut que les gens arrivent à acquérir, mais il n'y a absolument aucune raison. Alors je crois assez peu à un État, enfin c'est pas vrai, c'est tout à fait possible qu'un État se mette à développer son propre moteur de recherche et puis son propre réseau social, etc. Les Chinois qui ont essayé plusieurs fois, même en France. Non, mais en France ça a marché plus ou moins bien, mais il y a des pays qui y sont arrivés, hein. Il y a Baidu en Chine, il y a en Russie aussi, donc... je ne suis pas certain que je serais plus confiant dans un moteur de recherche d'État comme Baidu que dans un moteur de recherche commercial comme Google. Donc pour balancer les vrais noms. Par contre, ce que je pense, c'est que dans les zones de liberté qu'on veut conquérir, on peut le faire, mais il faut que les internautes, les associations se prennent un peu en charge. Et c'est possible. Ouais. J'étais assez surpris dans une visite en Amérique latine. Je discutais avec des informaticiens des données qui appartiennent aux élèves. Donc quand on fait de l'enseignement en ligne, les élèves laissent énormément de traces, donc de leur présence, de leurs devoirs, de leurs notes, de leur assiduité, de leurs questions. Et donc j'insistais sur le fait qu'en France on était très sensible au fait que ces données ne soient pas gérées par des entreprises comme Amazon, qui est un hébergeur de cloud, un hébergeur d'espace de stockage extrêmement efficace, qui, etc. Qui possède quasiment une majorité d'Internet aujourd'hui. Tout à fait. Donc on avait décidé en France, je leur expliquais qu'on avait décidé en France que ces données devaient être sur un ordinateur qui appartenait à l'État et qui était situé sur le territoire de manière à éviter que ces données soient vendues. Et donc il y a un commerce potentiellement très très très lucratif à vendre des CV en fait de gens qui sont directement issus de leur interaction en ligne. Bon, donc on était très opposés à ça en France, et donc on a développé par exemple dans la plateforme France Université Numérique, on a développé cette idée de ce qu'on appelle la souveraineté des données, que ces données sont trop sensibles pour être n'importe où. Et en fait, j'étais très étonné, enfin, c'est pas si étonnant en fait quand on réfléchit, mais j'étais juste bête. Et donc, j'ai été très surpris du fait que mes collègues sud-américains, eux, l'idée de donner des données à l'État leur semblait monstrueuse. Ils disaient, mais bien entendu, il faut que ce soit des entreprises privées qui gardent ces données, parce que l'État va utiliser ces données ensuite. Imaginez qu'il y ait une dictature en France, et l'État récupère ces données, et à ce moment-là, l'État va savoir où vous habitez, l'État va savoir... Et donc cette idée qu'on a en Europe, que l'État est le gentil et l'entreprise, c'est le méchant, eh bien, en Amérique latine, ils pensent que l'entreprise, c'est les méchants, mais l'État, c'est les très méchants. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même histoire. Mais... Et effectivement, ça s'explique très bien par leur histoire. Mais cette manière qu'on a de penser, c'était très intéressant de voir que les Sud-Américains, ils ne comprenaient rien à ce qu'on racontait. Alors, ils étaient exactement l'inverse. Il me semble qu'en France, il y a quand même aussi des restrictions là-dessus. Je sais qu'il y a eu tout un débat sur une carte d'identité numérique. Enfin, en gros, ce que fait Facebook Connect ou Twitter Connect aujourd'hui, qui devrait être un rôle de carte d'identité publique, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, en effet, c'est pas bien que ce soit Facebook, mais ce serait pas fou non plus que ce soit le gouvernement, même en France. Je voulais revenir aussi sur... Il y a des pays, je crois le Danemark par exemple, où on donne systématiquement aux citoyens une identité numérique et un lieu de stockage officiel, public, protégé, dans lequel ils peuvent mettre leur pièce d'identité, etc. Si vous avez suffisamment confiance dans l'État, c'est le meilleur endroit où vous pouvez le mettre. Hein. Moi, ça me paraît pas délirant comme idée. Pour revenir sur les histoires de gouvernance, peut-être alors, le premier exemple, on parlait tout à l'heure c'est l'ICANN, hein, c'est ça qui gère les noms de domaine, etc. Un des premiers exemples aussi de collaboration mondiale dont on a parlé il y a quelques semaines, enfin, premier exemple, et je crois qu'il est venu après quand même l'ICANN, c'est le web aussi, qui est une collaboration mondiale et qui a une particularité supplémentaire, c'est pour ça que je voulais y venir, qui a pas de chef non plus. Qui est même une des premières défaites d'un Minitel qui avait un grand chef et qui n'a pas réussi à survivre par rapport à un web qui, lui, n'avait pas de chef et était décentralisé. Et avec tout ce qui est économie du partage, etc., si on passe sous silence que pour l'instant, la plupart des économies de partage ont des grosses sociétés derrière qui prennent tout l'argent sur le côté, mais ce n'est pas très dur d'imaginer. Donc, ça arrivera sans doute un jour qu'il y ait des économies et de logiciels libres qui gèrent le partage et qui, en fait, ne prennent pas vraiment de sous à côté. Est-ce que c'est pas aussi des gouvernements en fait sans gouvernants qui vont devoir émerger pour répondre à aussi ces aspects de réseau en fait où on est de plus en plus connecté dans une forme de graphe sans vraiment une pyramide avec une tête. Je sais pas si ça vous fait réagir ou pas. C'est un peu, je suis pas certain de comprendre, mais c'est un peu compliqué. La question c'est que les phénomènes de réseau dont on a déjà parlé, que Gilles a expliqué, font que rich gets richer. C'est-à-dire que plus tu es gros, et plus tu deviens incontournable, et plus tu es un rôle d'attraction, etc. Donc la question, c'est d'arriver à faire que ces associations, ces groupements qui possèdent tout le pouvoir, se comportent de façon humaine, d'accord ? Se comportent de façon correct si on veut et ne soit pas uniquement des prédateurs. Donc c'est un peu ça, hein. C'est bah, quand tu es dans une position comme un moteur de recherche dominant, pour pas donner de nom, et que tu lances un nouveau service, tu peux éliminer la compétition en t'arrangeant pour que la compétition de ton nouveau service n'apparaisse pas dans les premières pages du moteur de recherche. Donc c'est, si tu veux, c'est une distorsion de concurrence comme on en a rarement eu. Mais c'est pas nouveau, on en a déjà eu, mais c'est une distorsion de concurrence qui correspond en fait à tuer deux grandes idées. Premièrement, l'égalité des chances, la liberté du commerce d'une certaine façon disparaît, et ta liberté en tant que personne de choisir ce que tu veux, est-ce que l'information que tu veux avoir, les produits que tu veux avoir, etc., disparaît aussi. Donc ça, il faut bien voir que c'est la chose qu'on vit en ce moment. Et on vit ça avec le web, et quand on transpose ça aux places de marché pour les téléphones, je veux dire Apple Store, etc., ça devient encore pire, parce qu'encore sur le web, n'importe qui peut aller. C'est encore un espace relativement libre. Déjà un peu discutable, puisque la plupart des gens y accèdent maintenant à partir des moteurs de recherche ou à partir des réseaux sociaux. Donc ils ont une vision complètement distordue de l'espace, hein, puisque la vision de l'espace que tu as, c'est essentiellement la classification que tu as dans le moteur de recherche ou ce qu'on te propose dans ton réseau social. D'accord ? Il faut voir qu'énormément de jeunes n'accèdent au web plus que par Facebook. Et que pour beaucoup de gens, enfin, je ne vais pas balancer des noms, mais il y a des gens pour qui aller sur le web, c'est aller sur Google. Enfin, ils ne voient pas la différence, d'accord ? Donc, si tu veux, là, on est en train de parler d'une distorsion totale de l'espace qu'on te propose. Et alors, quand tu passes après à ce machin-là, qui est un téléphone portable, c'est encore pire, parce que si tu ne plais pas à Apple Store, tu n'es juste pas dedans. C'est-à-dire que, bon, alors, voilà, c'est ce genre de choses dont on parle, et la question... C'est est-ce que les internautes, est-ce que les associations, est-ce que les mouvements comme le logiciel libre, est-ce que l'économie sociale et solidaire, est-ce que toute cette partie de la société qui est énormément de dynamisme, de créativité, etc., est-ce qu'elle peut arriver à faire quelque chose pour contrebalancer cet énorme pouvoir qui, d'une certaine façon, est comme une espèce de vague de fond qui, si on ne fait pas attention, si on ne fait rien... fera qu'on va arriver dans un monde dans lequel l'information sera contrôlée par quelques entreprises. Quoi. Alors je vais essayer d'être un peu plus optimiste. Je suis pas pessimiste. Je crois fortement qu'il y a un énorme pouvoir des associations et des gens. Si tu veux, le pouvoir, c'est... je sais plus qui l'a dit tout à l'heure. Le pouvoir, c'est tu peux partir. C'est-à-dire que quand Instagram a mis des règles à la con... Les gens sont partis par milliers et Instagram a reculé. Donc je pense qu'il y a un pouvoir considérable. Il faut prendre en compte ce pouvoir. Et puis des expériences comme, pardon, je parle, mais des expériences comme Wikipédia. Wikipédia, les logiciels libres. Voilà. Les logiciels libres. Je suis hyper optimiste. Voilà, je suis pas du tout pessimiste, mais je pense qu'il faut agir. Non, c'était juste pour trouver une transition que j'avais dit. Donc j'ai fait un petit calcul pour vous. Pendant que non, je l'ai fait avant parce qu'il y a des logarithmes et tout, donc c'est compliqué. Donc je me suis demandé un jour pourquoi on élisait des présidents de la République, par exemple. Donc et comment on les élisait. Alors d'abord, il faut savoir que ça n'a pas toujours existé. Avant, il y avait des rois, il y avait des dictateurs. A priori, depuis que c'est démocratique, l'élection en deux tours majoritaire, ça a l'air d'être assez vieux. On avait cherché à une époque, oui. Mais... Ouais, ça date depuis... Enfin, les idées datent du XVIIIe siècle, en gros. Et donc, je me suis demandé pourquoi est-ce que l'administration, le pays, fonctionnait comme ça. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la première, c'est que ceux qui ont mis en place ce système, donc ceux qui l'ont imaginé, ceux qui l'ont mis en place, Montesquieu, Seyès, là, vous voyez toute mon érudition, et vous devez savoir d'où elle vient. Ce mec-là est informaticien, je précise. Avait un sentiment très antidémocratique, c'est-à-dire il n'appelait pas ça une démocratie représentative, il s'appelait ça un régime représentatif, et il l'opposait à la démocratie, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui plus ou moins la démocratie directe. Mais ce régime représentatif, il a quand même un intérêt, c'est que si vous élisez, mettons tous les 5 ans, un président de la République, mettons tous les 5 ans, parmi 32 candidats, alors j'ai juste pris 32 parce que ça simplifie les calculs. C'est la somme du nombre de candidats à la primaire de gauche et la primaire de droite, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc disons c'est un peu gros, mais disons ça n'a pas changé les ordres de grandeur, vous pouvez prendre 20, vous pouvez prendre 10, c'est pareil. Donc en gros, 32 c'est 2 à la puissance 5, et donc ça veut dire que vous transmettez au moment où vous mettez votre bulletin dans l'urne 5 bits d'information. Donc si vous transmettez 5 bits d'information tous les 5 ans, eh bien vous faites une petite division, vous vous apercevez que vous avez un débit d'information qui est de 1 bit par an. Alors, en général, les informaticiens ne comptent pas les débits d'information en bits par an, ils les comptent en bits par seconde. Donc, j'ai fait le calcul à nouveau, et en bits par seconde, ça fait à peu près 10 puissance moins 7 bits par seconde, c'est-à-dire 1 10 millionième de bits à chaque seconde. Juste pour avoir un ordre de grandeur, si vous avez chez vous une box, elle transmet de l'information 1 milliard de milliards fois plus vite. Donc le débit d'information de la démocratie représentative, il est de l'ordre de 1 milliardième de milliardième de ce que vous pouvez faire avec une box qui coûte 19 euros. Donc c'est une vraie particularité des régimes représentatifs, c'est d'avoir des débits d'information que on a rarement vu dans l'histoire des choses qui ont aussi peu d'un débit aussi faible. Et donc on peut se demander pourquoi, et la réponse c'est aussi que au XVIIIe siècle on a imaginé ces choses, au XVIIe siècle un petit peu avant au Royaume-Uni, mais quand on a imaginé ces choses, eh bien organiser une élection générale au niveau de l'État tous les 5 ans, bah, c'était déjà beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation. Et donc le coût du débit d'information était très élevé, et donc on était obligé d'utiliser des débits aussi faibles. Bon, moi je crois qu'on peut imaginer d'aller un peu au-delà de ces 10 puissance moins 7 bits par seconde, et ça veut dire qu'on a une très grande liberté d'imaginer des institutions différentes. On n'a pas juste le choix entre faire comme les Français qui élisent un président tous les 5 ans et les Suisses qui votent directement. Les Anglais qui font un référendum. Il y a une extrêmement grande diversité des solutions politiques qu'on peut imaginer une fois qu'on a un débit d'information un peu plus grand. Et parmi les questions qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle des personnes ? Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer... On parlait de tous les métiers qui peuvent être remplacés par des ordinateurs et par des algorithmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le métier de représentant du peuple soit lui-même remplacé par un algorithme ? Je ne le propose pas exactement pour demain. Je pense que ce n'est pas juste remplacer le maire d'une ville par un algorithme auquel les administrés pourraient envoyer des mails et puis qui ensuite prendraient la meilleure décision pour la ville. N'est pas un système qu'on peut imaginer pour demain. Mais ça veut dire que là aussi, le maire d'une ville, même d'une petite ville, va pouvoir brasser de beaucoup plus grosses quantités d'informations et va pouvoir recevoir beaucoup plus d'informations de la part de ses concitoyens. Après, je pense, si je peux me permettre de t'interrompre, il y a aussi un point de vue qui est assez important au niveau du fonctionnement de la ville, c'est pas juste le maire de la ville, c'est aussi le citoyen. Le citoyen de la ville, il y a 40 ans, avait énormément de difficultés à savoir ce qui se passait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il essaie d'assister au conseil municipal. En général, c'était compliqué. Qu'il aille lire les comptes rendus de conseils municipaux, c'est compliqué. Dans les villes bien gérées maintenant, le conseil municipal est en ligne et il y a énormément de open data qui font que le citoyen de base a une visibilité. Alors, je ne dis pas à tout le monde, parce que les gens, ils ont tous, ils ont des gosses, ils ont des trucs à faire, je dis personne. C'est compliqué, ils n'ont pas tous le temps de passer leur soirée à aller éplucher les comptes de la mairie. Mais il y en a qui peuvent le faire, et il y en a qui le font. Et donc, je te repasse la parole, Gilles, mais juste ce point de vue-là, c'est que peut-être dans le cadre d'une meilleure démocratie, peut-être que un des points importants, c'est que le citoyen est beaucoup mieux informé. Et quand on regarde, par exemple, les printemps arabes, même si ça ne s'est pas bien placé et tout, ça n'a pas toujours été hyper idéal, l'effet majeur des nouvelles technologies dans les printemps arabes, c'est le fait que les citoyens étaient au courant de ce qui se passait, ce qui n'était pas le cas avant. Gilles, vas-y. J'avais à peu près terminé, en fait. Je vais juste rebondir sur ce que vous dites, beaucoup de choses. Alors, on va essayer juste de rebondir. Je pense que dans les choses extrêmement intéressantes, c'est que justement par rapport au système de vote, on a abandonné relativement rapidement la démocratie où on invitait tout le monde et puis on disait voter. Et on est à une époque où on peut se permettre de refaire ça, de refaire participer tout le monde. Ça rejoint l'idée de dire on est tous informés, on est capable de faire participer tout le monde. Et l'autre aspect où il me semble qu'on a des solutions aussi, je vais vers de l'optimisme aussi, parce que le web que je connais... Vas-y, faut arrêter de traumatiser les gens avec des mauvaises idées. Qui en effet est un peu attaqué par ces plateformes, entre autres mobiles. C'est un web qui a un peu été pensé bordélique. Et je me demande si dans ce bordel, on n'a pas moyen de construire des choses qui sont aussi beaucoup plus efficaces. Quand je dis bordélique, c'est qu'une page web aujourd'hui, elle fait appel à 50 pages web, services et compagnie à droite, à gauche, qui peuvent être indépendamment modifiées. Alors aujourd'hui, en effet, c'est des entreprises centralisées souvent, pas que, il y a aussi des logiciels libres, etc. Et j'ai l'impression que dans cette décentralisation, avec en plus la possibilité de participation de masse, on peut construire des choses qui seront beaucoup plus dures à expliquer, comme aujourd'hui des algorithmes de machine learning sont extrêmement compliqués à détailler étape par étape, mais qui l'un dans l'autre fonctionnent mieux parce qu'ils ont eu un fonctionnement plus organique. En fait. Ah, c'est sympa, j'ai pas compris la question. Ah, mais... pardon. Ça parle du web, donc ça fait répondre. Ah bon. Donc, il faut que je réponde quelque chose d'intelligent sur la compréhension. J'ai l'habitude, je suis prof. Bon, l'idée derrière, si j'essaie de simplifier, j'ai pas autant de talent que vous là-dessus, c'est de se dire. Est-ce qu'en construisant quelque chose de plus organique, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'individus qui sont tous actifs et où les données sont décentralisées, les logiciels sont un peu décentralisés, on ne peut pas construire quelque chose de finalement plus efficace, plus durable? Alors oui, maintenant j'ai compris, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça qui est l'idée du web. En fait, c'est l'idée d'Internet au départ. Il faut même revenir un peu en arrière. On a rappelé il y a deux semaines, il y avait une notion d'édition à la base où chacun pouvait éditer ce qu'il partageait. Mais, déjà, il y a une émission sur la différence Internet, le web, tout ça. C'est très bien. Donc les gens ont bien compris. Ils ont bien compris qu'au départ, c'était un réseau de machines complètement indépendante et que c'est pour ça que ça fonctionnait. C'était l'indépendance et la distribution des machines. Et dessus, on a fait un réseau de contenu complètement indépendant, et c'est là aussi que c'est ça qui a fonctionné, et c'est ça qui a donné la richesse du web d'une certaine façon. Il n'y a pas d'autorité, tout est décentralisé, tout est distribué, chacun est indépendant. Si on regarde du point de vue de démocratie, si on veut essayer de faire un parallèle un peu osé, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on veut après passer au niveau des personnes, on est aux machines, on est aux contenus. Maintenant, on passe aux personnes, aux réseaux sociaux. Un réseau social, c'est quoi? C'est un groupe de personnes sans chef qui s'auto-organise, qui s'auto-informe, qui s'auto-construit. Alors ça marche bien d'une certaine façon parce qu'on retrouve la puissance de la distribution, la puissance du parallélisme. On peut démontrer même formellement, donner des théorèmes pour montrer pourquoi ça marche mieux, d'accord? Mais mis à part ça, d'un point de vue organisation humaine, c'est très riche. Par contre, quand on veut organiser la cité, il y a besoin quand même d'une certaine structuration. D'accord. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup que pour toute la phase où les gens s'informent, les gens discutent, les gens créent, les gens co-construisent, co-produisent des idées, etc. Mais il y a un moment donné où il faut quand même faire des choix, et les choix doivent être politiques. Mais un choix politique avec des personnes mieux informées, c'est un meilleur choix politique qu'un choix politique avec des personnes qui sont dans... Enfin, comme c'est par exemple au Parlement français, votant la loi de renseignement sans rien comprendre du tout à ce qu'il y avait dedans. Oui, un bon exemple d'apport de la structuration dans un espace plutôt anarchique, c'est les encyclopédies en ligne. C'est-à-dire si demain vous voulez partager des connaissances, je ne sais pas, sur l'algorithme d'unification, vous pouvez faire une page web et la mettre sur votre page, sur votre site, et personne ne va jamais la regarder. En revanche, si vous essayez d'aller expliquer l'algorithme d'unification dans Wikipédia, par exemple, ou dans une autre encyclopédie en ligne, mais là aussi, on s'aperçoit qu'il y a des situations un peu de monopole qui s'installent, eh bien, vous avez une audience qui est bien sûr beaucoup plus importante, puisque beaucoup de gens vont aller chercher des informations là-dedans. Donc effectivement... mais je pensais que Serge allait expliquer ça. Au départ, les bases de données avaient des données extrêmement structurées, et puis petit à petit, le web a remplacé ça par des données moins structurées. Mais on s'aperçoit qu'il y a des efforts émergents qui émergent de communautés qui elles-mêmes ne sont pas soumises à un dictateur, mais où de communautés auto-organisées, et émergent souvent des données très structurées. Je veux dire, il y a rien de plus structuré que Wikipédia. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez répondu à une des questions, parce que je ne sais pas si vous avez dit, mais les gens dans la chatroom ont le droit de poser des questions, hein, et donc ils posent des questions. Et donc il y avait une des questions qui était effectivement, pourrait-on envisager une politique assistée par ordinateur ? Alors je ne sais pas si c'est vraiment assistée par ordinateur là ce qu'on dit, puisque c'est plus informé finalement, c'est une politique mieux informée d'un côté comme de l'autre. Mais du coup, comme on en est sur la politique, je me dis cette question est complètement, c'est peut-être le moment de la poser. Est-ce qu'il y aurait d'autres moments d'être assisté par ordinateur pour faire des choix politiques pour... Alors il y a une Antoinette de Vouvray qui est une philosophe que j'admire beaucoup, qui pose ce genre de questions sur une gouvernance par les algorithmes, et pose en particulier la question suivante. Alors, ce n'est pas de la politique, mais c'est très, très proche. C'est du droit. Les remises de peine. Donc, vous avez des gens qui ont été condamnés. Ils ont fait leur temps de prison. Ils n'ont pas fait leur temps de prison. Ils ont été condamnés à 5 ans. Et ils ont fait 2 ans et demi. Et typiquement, maintenant, au bout de 2 ans et demi, on dit, peut-être qu'on pourrait les libérer. Alors là, il faut peser. Est-ce qu'il y a un risque de récidive, etc. Et la question, c'est, est-ce que vous confieriez cette tâche-là à un algorithme ? Et c'est une bonne question. Est-ce qu'on ferait ce genre de choses ? Alors, première réaction, c'est si j'ai un algorithme qui se trompe moins ou que je peux mesurer comme étant meilleur qu'un juge. Parce que, alors, les juges, encore une fois, il y a plein de problèmes avec les juges. En particulier, on a montré aux États-Unis que suivant l'heure de la digestion, par exemple, ils avaient des... Mais non, mais c'est bête, mais c'est vrai, c'est des êtres humains, et s'ils viennent de manger, ils n'ont pas les mêmes réactions, c'est normal. Un ordinateur, au moins, il donnera le même résultat à 2h de l'après-midi qu'à 4h de l'après-midi. C'est con, hein, mais... On est en train de vivre ça, même sans aller sur la politique, on est en train de vivre ça avec les voitures autonomes, où le grand débat du moment, c'est une voiture qui a le choix entre écraser un passant, écraser 5 passants ou suicider le passager. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Et si l'algorithme décide, forcément le choix sera mauvais. Si c'est l'humain qui fait au mieux et qui réagit en fait instinctivement sans savoir trop ce qu'il fait, on préfère. Bah alors, on pourra parler de ça, c'est un autre problème qui est très intéressant. Mais revenons à notre juge. Donc supposons qu'on ait un juge qui fasse moins d'erreurs, qu'un ordinateur qui fasse plutôt un meilleur score, alors suivant une mesure, la mesure que vous voulez, précise et tout. Est-ce que vous seriez content de déléguer le travail extrêmement humain qui est une décision de justice de libérer ou non une personne à un ordinateur ? Alors moi, j'ai essayé de m'en tirer en disant à Antoinette Vouvray, non mais on ne va pas faire comme ça, on va faire des juges qui seront aidés par l'ordinateur. Et elle a complètement écarté à juste titre ma proposition en disant mais non, parce que un humain qui sera aidé par un ordinateur va laisser complètement l'ordinateur décider. C'est-à-dire que si l'ordinateur dit « je le libère pas », il n'y a aucun humain qui va oser le faire, parce que ce serait prendre un risque considérable. S'il y a une récidive, il sera responsable. Donc l'humain va se protéger complètement en disant « je suis ce que fait l'ordinateur ». Donc voilà, c'est des questions comme ça qui vont se poser avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est d'accord pour laisser une responsabilité aussi importante à un ordinateur qui n'aura pas peut-être l'empathie que pourrait avoir un juge, mais qui d'un autre côté se tromperait pas, ne serait pas influencé par sa digestion? Est-ce qu'on le laisserait choisir ou pas? J'avais été assez surpris, assez choqué même il y a quelques années quand j'avais assisté à un débat sur le meilleur moyen d'avoir la paix sociale, de ne pas avoir de délinquance, bien sûr dans les banlieues puisque c'est toujours là qu'il y a la délinquance. Et le débat opposait deux personnes, l'une favorable à plus de prévention, l'autre favorable à plus de répression. Et chacun disait, oui, la prévention, on sait que ça marche. Et l'autre disait, mais non, on sait que ça marche pas. Puis en fait, ce qui marche, c'est la répression. Oui, mais la répression, on sait que ça marche pas. Quoi. Donc, et j'étais assez étonné parce que personne, à aucun moment, n'avait dit, mais voilà, on a fait une expérience avec un groupe témoin, un groupe sur qui on a fait de la répression, un groupe sur qui on a fait de la prévention. Et puis on a mesuré le nombre d'actes de délinquance et on a remarqué que statistiquement, il y avait un groupe qui était plus délinquant que l'autre. Et donc, on est arrivé à une conclusion sur scientifique et sur ce sujet, et là on imagine que les deux protagonistes, les deux débattants auraient dû dire bah oui, je suis contraint, enfin surtout l'un des deux, je suis contraint de m'incliner devant des faits. Et il y a énormément de décisions politiques qui sont prises comme ça, c'est-à-dire vous voulez ouvrir les magasins le dimanche, vous voulez fermer la gare, vous voulez mettre un bus, vous voulez fermer une crèche, ouvrir une école, etc. Il y a des gens qui ont des opinions qui sont est-ce que ça va être comme ci, est-ce que ça va être comme ça. Et finalement, on prend la décision sans vraiment savoir quel va être l'impact. Et puis, en général, l'impact, on le mesure après. Mais comme on ne sait pas ce qui se serait passé si on avait pris la décision inverse, on peut juste comparer le réel au virtuel. Et il me semble que dans la notion de politique assistée par ordinateur, il y a cette idée de possibilité de modéliser des phénomènes sociaux. Par exemple, les géographes font plein de modèles qui posent la question, qu'est-ce qui se passe si on met une gare, qu'est-ce qui se passe si on met un aéroport, est-ce que la population va croître, est-ce que la population va décroître, etc. Et en gros, leur modèle se trompe. Donc aujourd'hui, on est encore dans le balbutiement. Il y a de temps en temps des résultats qui sont surprenants. Enfin, on arrive à comprendre des phénomènes urbains. Mais pour la plupart, on est encore au balbutiement de ce type de modélisation des phénomènes sociaux. Mais supposons qu'on arrive, qu'on fasse des progrès, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas, et avec plus d'expérience et en comprenant mieux les modèles, il est possible que demain, on sache répondre à la question, si on met une gare, si on ferme une ligne de train, si on ouvre une ligne de bus, voilà les effets que ça va avoir sur le paysage, la population, etc. Et là, si on est capable de le faire, à ce moment-là, la décision politique devra être beaucoup plus, pour être beaucoup plus informée, et elle devra être beaucoup moins sujette à l'opinion et beaucoup plus sujette à la connaissance. Et ça, je crois que il y a une possibilité ici d'une vraie évolution du politique, parce que la décision qui est prise, mais qu'elle soit prise d'ailleurs par un élu, qu'elle soit prise par une assemblée de citoyens ou quoi, elle est quand même aujourd'hui très peu fondée sur des faits et très peu fondée sur des anticipations. Et ces anticipations, si on a un jour des modèles informatiques qui permettent de modéliser ces phénomènes, les décisions pourront être beaucoup plus informées. Donc ça, je pense que c'est une dimension importante de cette idée de politique assistée par ordinateur. Et tu as peut-être raison dans le sens où le fait de déjà poser la question... C'est ça qui est intéressant. Si on commence à poser la question en disant... Est-ce que le choix d'un ordinateur sera aussi bon que le choix d'un être humain ? Ça demande déjà à formaliser la question. En particulier, ça demande à poser déjà la question, ça veut dire quoi meilleur ? Ça, c'est pas du tout évident de savoir si c'est meilleur. Est-ce qu'on veut minimiser le nombre de récidives ? Est-ce qu'on veut minimiser... est-ce qu'on compte 10 pour une récidive et puis 1 ? Parce que si on veut vraiment minimiser les récidives, il suffit de garder tout le monde en taule. Ça marche bien. Et il y a des gens qui proposent ça, d'ailleurs. Oui, de mettre tout le monde en prison. Et de le garder en prison. Donc la question, c'est d'arriver à trouver à formaliser une fonction de coût. À partir du moment où on a formalisé une fonction de coût, on est déjà sur ce que tu dis, c'est-à-dire d'essayer de formaliser, de mieux étudier les phénomènes sociaux. De formaliser une question de coût, c'est formaliser ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Oui, bah je ne sais pas. Par exemple, dire s'il y a une récidive, je compte que j'ai perdu 10 points. Et si j'ai mis quelqu'un en prison, j'ai mis quelqu'un en liberté et qui n'a pas fait de récidive, j'ai gagné 1 point. C'est complètement stupide, mais au moins je peux comparer... les deux risques. Sinon, encore une fois, si je fais ça de façon naïve, la solution simple, c'est de garder tout le monde en taule, y compris ceux qui n'ont rien fait. Cette idéologie de politique selon la connaissance et en vérifiant ce qu'on propose, elle est beaucoup critiquée justement pour ça, c'est-à-dire que souvent il y a des débats politiques qui se portent plus sur les questions que sur les méthodes. Là récemment, ce fait de modélisation, il me semble qu'il y a des modélisations qui ont été faites sur la loi du travail par exemple en France, sauf qu'une des questions de la loi du travail dans ces critiques, c'est est-ce que le but c'est de créer plus d'emplois ou est-ce que c'est de ne pas créer plus d'emplois précaires, quitte à laisser des gens au chômage. Et en fait, c'est dans la question qu'est toute la problématique. Mais comme disait Cher, le fait qu'on pose la question est déjà un progrès. Et le fait de formaliser le problème, c'est une question, hein, tu as raison. C'est pas aussi évident que ça de répondre quelle est la bonne mesure. C'est pareil quand... alors moi, je travaille en ce moment sur l'équité des algorithmes. Hein, des algorithmes de mesure, est-ce que... Et ces fameux algorithmes de Big Data, est-ce qu'ils sont justes ou pas? Mais quand tu essaies de mesurer l'équité, ben ça dépend ce que ça veut dire. Ça dépend ce que tu veux dire. Est-ce que c'est juste de donner une bourse à un étudiant d'une minorité pour rééquilibrer le nombre de personnes de cette minorité qui aura accès aux études? Ben c'est juste d'un point de vue du groupe, mais c'est injuste d'un point de vue individuel. Donc la notion même de choisir une politique, de choisir la définition d'équité, c'est déjà un problème politique. Je me permets juste, parce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom qui posait la question à propos de l'économie, qui disait on laisse bien les algos gérer l'économie. Je ne sais pas si c'est pas un peu exagéré de dire ça comme ça, mais disons que l'économie a en tout cas une réputation de scientificité un tout petit peu plus élevée que la sociologie. Est-ce que c'est justifié ou pas? C'est une énorme question. Je pense qu'on va recevoir bientôt quelqu'un sur l'économie qui pourra nous dire ce qu'il en pense. Y a des gens qui prétendent que les économistes sont d'accord sur certains points. J'ai des gros doutes. Mais en tout cas, sur l'économie, je ne sais pas si vous avez une position différente ou si sur le fait de se faire assister effectivement par des modèles. Est-ce qu'il y a des modèles qui semblent suffisamment robustes? Enfin, après, ce n'est pas votre boulot non plus. Mais, disons, on peut critiquer les modèles tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils seront demain. Là-dessus, ça serait compliqué. Il faudrait vraiment faire une grande... Il faudrait prendre des exemples. Et puis, il y a des modèles qui marchent bien, il y a des modèles qui ne marchent pas. Et puis, il y a des modèles qui expliquent pourquoi il y a des prévisions qui sont impossibles. Et ça, c'est aussi intéressant. Sur la question même du modèle, le fait qu'on cherche à modéliser est en soi bien. Et on comprend aussi, comme ça, certaines limitations des modèles. Par exemple... avant qu'on ait des modèles algorithmiques, on essayait de construire des théories qui expliquaient le monde. Donc, par exemple, Newton propose trois équations qui expliquent les lois de Newton, qui expliquent la mécanique. Et ensuite, il y a une chose importante, c'est d'être capable de confronter les résultats de la théorie de Newton à des observations qu'on fait sur des éclipses, sur des pommes qui tombent des arbres, etc. Bon. Et quand les observations et la théorie divergent, on se dit qu'il y a un problème avec la théorie et qu'il faut l'abandonner ou la changer de fond en comble. Avec les modèles algorithmiques, on a une possibilité d'avoir des théories beaucoup plus complexes. C'est-à-dire là où la théorie de Newton tenait en trois lignes, trois équations, on peut écrire aujourd'hui des modèles de phénomènes sociaux, des modèles de plein de phénomènes physiques aussi, qui sont extrêmement complexes et qui, du fait de leur complexité, dépendent de beaucoup de paramètres. Et donc, assez souvent, quand il y a un modèle qui ne correspond pas à la réalité, on se dit « Ah oui, mais il suffisait un peu de changer un paramètre, et hop, du coup, ça correspond à la réalité. » Et donc, ça veut dire que cette vision qu'on avait un petit peu simple, disons, dans la lignée de Karl Popper, de « il y a une théorie, il y a des faits, il faut les comparer, puis les faits peuvent réfuter la théorie », on s'aperçoit qu'on a besoin aujourd'hui d'un nouveau Karl Popper. C'est-à-dire on a besoin aujourd'hui de penser... la confrontation de faits qu'on observe avec des théories très complexes. Et l'économie me semble avoir tout à gagner d'avoir des modèles plus complexes que les modèles qu'elle a aujourd'hui, même si y a certains phénomènes qui sont simples, on peut les modéliser par des modèles simples, mais il y a des modèles complexes, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'agents économiques, par exemple, qui méritent d'avoir des modèles complexes, mais avec cette question de comment est-ce qu'on confronte un modèle complexe à la réalité, et comment est-ce qu'on évite d'avoir suffisamment de paramètres pour qu'en changeant un paramètre, on arrive toujours à tout expliquer. Ça, c'est une vraie question sur laquelle on a très peu de réponses aujourd'hui, et c'est une question qui émerge en fait à peine aujourd'hui de l'analyse de la scientificité de ces modèles. Oui, et qui plus est, une question, si je rebondis sur ce que disait Serge tout à l'heure, par exemple, aujourd'hui, il y a Google qui est soupçonné plutôt par Trump hein, de de promouvoir la campagne de Hillary Clinton dans ses résultats. Et c'est des choses qui sont très dures à mesurer, justement, de faire du reverse engineering sur les algorithmes et d'essayer de voir des orientations d'algorithmes. C'est pas si compliqué. Alors, ça dépend de quel algorithme. Il y a certains algorithmes, c'est compliqué de savoir ce qu'ils font et de les mesurer. Dans les algorithmes de type moteur de recherche, parce que là, c'est ce que accuse Trump, dans les algorithmes de type moteur de recherche, c'est finalement beaucoup plus simple parce qu'on a des quantités de données considérables et donc les statistiques permettent de le faire. Quand, par exemple, la communauté européenne s'est inquiétée de vérifier que le moteur de recherche Google biaisait les résultats en faveur de ses services par rapport à d'autres services, ça n'a pas été si compliqué que ça de le vérifier. C'est pas si difficile. Et d'une certaine façon, c'était un peu le secret de Polichinelle. Il y avait plein de gens qui l'avaient mesuré. La question, c'est l'autorité pour faire ça. La question, c'est que moi, personnellement, j'étais un grand fan de Google. Donc, j'étais persuadé. J'ai des copains chez Google qui m'expliquaient la théorie du mur. Chez Google, il y a un mur qui partage le moteur de recherche de toutes les autres activités de l'entreprise. Et le moteur de recherche ne dépend pas des autres activités de l'entreprise. Et moi, c'est des potes. Je les croyais. Je suis naïf. Je les ai cru. Et puis, j'ai rencontré régulièrement des mecs qui me disaient « Non, mais ça va pas. T'es complètement idiot. Moi, j'ai vu. Moi, je faisais un moteur de recherche. Je faisais un commerce comparatif sur Internet en Angleterre, et le jour où Google a sorti le sien, mes pages sont passées du haut de la première page au bas de la première page, puis à la deuxième, puis à la troisième. En 3 semaines, j'avais disparu et j'ai fermé ma boîte. » Donc voilà, c'était un secret de Polichinelle d'une certaine façon, dans le sens où il y avait plein de gens qui l'avaient vu. Ils le voyaient comme, je sais, quand vous avez une start-up et que vous regardez votre concurrent et que vous voyez votre page descendre dans le moteur de recherche et votre produit diminuer vous le savez. Mais la question, c'était pas ça. La question, c'est est-ce qu'il y a une autorité qui est capable de dire c'est vrai, de mesurer que c'est vrai. Donc statistiquement, c'est mesurable, parce qu'on est dans des grands chiffres, on est dans des grandes mesures. Donc statistiquement, c'est mesurable. Le problème, ce n'est pas la mesure. Le problème, c'est l'organisme responsable, l'organisme qui a une autorité pour mesurer ça. Et ça, d'une certaine façon, il n'y en a pas. Ah, alors c'est parfait, parce que ça va nous permettre de boucler, de reboucler sur les débuts, sur l'éducation, avant d'en arriver à une conclusion un peu intelligence artificielle. C'est que du coup, une autorité comme ça, il faudrait en fait qu'elle soit éduquée, parce qu'en fait, un des problèmes de créer ce genre d'autorité, etc., c'est de réussir à faire comprendre ce qu'elle va faire, et ensuite de la former de manière à ce qu'il y ait suffisamment de spécialistes à l'intérieur, mais qui soient aussi capables d'être en lien avec le peuple, etc., avec les autorités politiques, pour faire comprendre. Et un autre élément, c'était plus là où était l'objet de ma question, je vais essayer de me raccourcir, sinon Serge, à chaque fois, je pose des questions qui n'ont pas de point d'interrogation, donc c'est pas un bon signe. Donc oui, l'autre élément, je faisais juste un lien avec le départ, mais c'était l'élément que je trouve intéressant sur tout ce qui est dit là, sur le fait de passer à la dernière page, etc., c'est qu'aujourd'hui, quand on a une grosse entreprise comme un Facebook, comme un Google, etc., ça peut être une personne derrière son ordinateur qui a accès au code source, qui peut, d'un choix volontaire ou non, en modifiant du code, avoir un impact politique, social énorme. Et volontaire ou non, c'est là où j'insistais, est-ce que c'est le rôle des informaticiens, des développeurs, d'avoir ce rôle-là, politique, social, cet impact-là? Oui, non, est-ce que ça doit le devenir? Non, mais c'est pas... Enfin, j'y vais, Gilles. Mais c'est pas des informaticiens chez Amazon, chez Google, etc., qui décident ça. C'est pas des informaticiens du tout. C'est des gens de marketing, c'est des gens de business. C'est pas des informaticiens. Eux, les informaticiens, ils font ce que leur dit de faire. Hein. C'est pas eux qui décident de la politique marketing de la boîte. Hein. Donc c'est pas ça. La question primordiale, c'est qui a le pouvoir de vérifier, de contrôler. Ces grandes entreprises ont un pouvoir considérable. Et avec ce pouvoir considérable, doit arriver des responsabilités aussi importantes. Donc ils ont le pouvoir de déstabiliser les marchés, de fermer des boîtes, d'en créer d'autres, etc. Ils ont un pouvoir absolument considérable. Et donc, légalement, ça paraît raisonnable qu'ils aient aussi des responsabilités. Et la question, c'est comment leur imposer. Ça peut être, je ne sais pas moi, que choisir. Je ne comprends pas pourquoi que choisir n'a pas un système de mesure de genre d'audience. Oui, il y a une question qui est surprenante, c'est que Fox News, par exemple, favorise beaucoup Trump par rapport à Clinton, mais personne n'a l'air de s'en plaindre, parce que c'est un média d'opinion, un médium d'opinion, et donc on considère assez normal que ça soit un médium partisan. Et on a l'impression, en parlant de Google, qu'on parle d'un service public, c'est-à-dire d'un... Autant on admet qu'un journal ou une chaîne de télé puisse favoriser un candidat, autant on n'admettrait pas qu'un service public, comme par exemple le président d'un bureau de vote, favorise un candidat plutôt qu'un autre. Donc il y a une neutralité qui est imposée au service public, alors que les personnes privées, les entreprises pourraient, en théorie, avoir des opinions politiques et favoriser un candidat plutôt qu'un autre. Mais là, on a l'impression que, dans le cas de Google, c'est un problème. Et ça, c'est-à-dire qu'on ne pense plus tout à fait à Google comme à une entreprise privée qui peut avoir ses opinions et ses amis et ses ennemis, mais comme un service public. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ce n'est pas du tout un service public. Donc peut-être le fait que... Peut-être quand une entreprise a suffisamment de pouvoir, a trop de pouvoir peut-être, à ce moment-là, il lui incombe des responsabilités que naguère on imaginait incomber au service public uniquement. Mais est-ce que Fox News n'a pas beaucoup de pouvoir aussi ? C'est une question qu'on peut se poser. Je vais continuer à ne pas être humble et parler de moi-même en bien, mais dans le genre, enfin ça me fait beaucoup penser à quelque chose, un état d'esprit qu'il y a à Science Civ Junior. C'est je collabore à Science Civ Junior et c'est assez amusant parce que Science Civ Junior a une position relativement monopolistique sur la vulgarisation des sciences pour les ados, quoi. Globalement, il y a quelques concurrents, mais c'est si on pense à un truc pour ados, c'est Science Civ Junior. Et c'est assez amusant de voir que il y a cette politique-là, il y a cette réflexion-là. C'est-à-dire que le rédac-chef, j'ai déjà discuté avec lui, les maths sont évidemment pas la discipline qu'on a envie de mettre en avant, parce que c'est évidemment pas ce qui fait venir le plus de monde. Mais il considère qu'il faut en mettre, parce qu'il faut. Et c'est aussi tout intérêt bien calculé, c'est-à-dire que c'est... Il faut que tous les gens puissent y trouver leur compte, et dans tous les gens, il y a des gens qui sont intéressés par les maths. Et enfin, ça m'y fait énormément penser ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une position de monopole, il faut te préoccuper de tout le monde. Et donc, tu es d'une certaine manière contraint à adopter une politique presque de service public. Je ne dis pas que c'est un service public, mais c'est avec quelque chose à voir avec ça. C'est-à-dire que tu es obligé de donner des choses qui intéressent tout le monde, tu es obligé de donner une neutralité. C'est une question que tu peux poser. La notion de moteur de recherche. À partir du moment où le moteur de recherche en Europe est utilisé, le moteur de recherche est utilisé par plus de 90% de la population et est utilisé comme moyen d'accéder à toutes les connaissances et toutes les structures et tous les produits du web, tu peux te poser la question de savoir, évidemment, c'est pas forcé que ce soit un service public, mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir des obligations du style service public ? Et comment on fait, alors là ça va être la question avocat du diable de la minute, mais comment on fait pour faire cohabiter cette logique-là, logique de service public, d'objectivité, avec la logique de personnalisation des résultats de recherche ? C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué, et d'ailleurs c'est quand même très simple. Si la fameuse neutralité dont on se pose des questions sur le moteur de recherche, quand tu es sur ton téléphone, elle n'existe plus. Il faut être conscient que quand tu utilises ton moteur de recherche du téléphone, il n'y a plus de neutralité parce qu'essentiellement on considère que tu es localisé quelque part, que quand tu cherches quelque chose dans ton environnement, donc on ne cherche plus du tout de neutre, on essaie de complètement personnaliser ça à ton environnement. Donc c'est compliqué, mais essentiellement c'est un ménage à trois. Il y a le monde avec toutes les structures qu'ils offrent. Il y a l'individu avec ce qu'il cherche, ses besoins. Et il y a la boîte, hein, c'est-à-dire le moteur de recherche en tant qu'entité commerciale qui vend des trucs. Eh bien, il faut faire disparaître un des trois. C'est-à-dire qu'il faut que la décision soit basée uniquement sur ce que tu es toi et ce qui t'intéresse toi. Et ce que le monde offre, c'est ça qui t'intéresse. Toi, quand tu cherches un produit, tu veux le produit qui te plaît le plus. Tu ne veux pas le produit sur lequel Google fait le maximum de profit. Alors, la question, évidemment, c'est la question du fait que ce service est un service gratuit. Et c'est là qu'on est dans l'aberration. C'est-à-dire que si le service est gratuit, il faut évidemment que Google fasse des profits dessus. D'accord ? Et donc, s'il faut qu'il fasse des profits, une façon de faire des profits, c'est de pousser ses propres produits. Donc, tu vois, il faut arriver à séparer, et c'est pour ça que c'est compliqué dans l'esprit d'une entreprise. Je comprends bien que les gens de Google aient du mal, parce que eux, c'est une boîte commerciale, donc eux, il faut qu'ils fassent leur profit, d'accord ? Et donc il faut qu'ils arrivent à séparer les profits qu'ils peuvent faire en balançant de la pub de façon neutre, et les profits qu'ils peuvent faire en favorisant leur propre service. C'est compliqué. Je leur jette pas la pierre. C'est pas à eux de faire le ménage. C'est pas à eux de faire le ménage. C'est aux États et à nous de faire le ménage. Bon, je vous propose de passer à l'intelligence artificielle, sinon on va jamais finir cette soirée. Surtout que je pense qu'on a des gros sujets là. On a que deux questions. On avait des questions sur l'intelligence artificielle, mais je pense qu'elles vont prendre du temps. Je sais pas pourquoi. La première, c'est au sujet de test de Turing au sens très large. Quand on a fait l'épisode sur le deep learning, qui a ouvert la saison, donc on est content de la fermer justement en parlant de ça, on s'est rendu compte que le test de Turing, c'est un peu ce marronnier qu'on ramène, qui commençait à dire « il faut qu'un ordinateur puisse berner un humain pour qu'il soit intelligent ». Puis quand il a réussi à berner un humain, on s'est rendu compte qu'il avait quand même l'air sacrément con en bernant un humain. Donc on s'est dit « il faut qu'il gagne aux échecs ». Il a gagné aux échecs, il avait encore l'air bête. Il fallait qu'il puisse cuisiner, il a pu cuisiner, il avait encore l'air bête. Là, il vient de gagner au Go, il n'a pas encore l'air super malin. Du coup, de plus en plus, des gens commencent à dire « bon, en fait, la limite, au fur et à mesure qu'on va leur demander de faire des choses, ils vont y arriver. » La limite, on a l'impression, c'est qu'ils ne vont jamais d'eux-mêmes décider de faire des choses. Alors, est-ce que c'est ça le vrai test de Turing de l'intelligence artificielle ou pas ? Alors, je vais commencer par la notion de masse et de poids. Donc... ok, on s'en fait dedans. Donc... quand on a une activité scientifique, quand on construit une théorie scientifique, on est obligé d'utiliser des mots que tout le monde utilise, donc des mots comme les mots de masse et de poids qui existaient avant que les physiciens les utilisent. Et donc on est amené cependant à leur donner des sens un peu précis, et par exemple à distinguer la notion de masse et de poids. Puis il y a d'autres notions comme... la notion de phlogistique qui disparaît, et puis il y a d'autres notions, on est comme la notion de quark qui apparaît, on ne trouve pas de mots, on n'avait pas de notions similaires avant. Et donc je suis toujours un petit peu embêté quand je vois des personnes discuter de l'intelligence et de la conscience des ordinateurs, et donc j'ai un peu tendance à leur demander mais comment est-ce qu'on définit l'intelligence et comment est-ce qu'on définit la conscience, et je suis doublement embêté quand je vois des collègues informaticiens qui ont l'air de considérer que tout le monde sait ce qu'est la conscience et tout le monde sait ce qu'est l'intelligence. Et je crois que les travaux qui ont été cités sur le fait de jouer aux échecs, au Go, de faire la cuisine, de traduire un texte, de berner un humain, etc., nous montrent que l'intelligence ou la conscience sont des concepts qui sont extrêmement flous et donc qui ont beaucoup de significations différentes et qu'il importe de démêler. Et donc on peut dire que l'intelligence, c'est de jouer au Go, et donc dans ce cas-là, les ordinateurs sont plus intelligents que nous. On peut dire que l'intelligence, c'est de berner un humain. Et je crois que c'est pas tellement ça, en fait, la chose importante dans le test de Turing. Le point sur lequel Turing veut insister, il me semble, hein, si j'ai bien compris l'article, c'est sur le fait qu'il y a une chose qu'on entend de temps en temps, qui consiste à dire, oui, l'ordinateur fait semblant de jouer au Go. Il fait semblant, par exemple, un ordinateur peut faire semblant d'avoir des émotions, peut faire semblant d'être fâché, peut faire semblant d'être amoureux, etc. Bon. Mais en fait, il ne l'est pas vraiment. Et donc, il y a cette idée qu'on peut faire semblant d'être intelligent, mais en fait, on ne l'est pas vraiment parce qu'on simule. Bon. Et on simule en tous les sens du terme. Au sens de la simulation informatique, mais aussi au sens de faire semblant. Et le point sur lequel Turing veut attirer notre attention, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de différence entre être intelligent et avoir l'air intelligent. Si on est capable de simuler l'intelligence, si on a un objet qui soit humain ou pas humain, qui a un comportement qu'on, de l'extérieur, on juge intelligent, on a toutes les raisons de penser qu'il est intelligent. Et il y a un point de vue un peu matérialiste ici, qui est important de comprendre dans le point de vue de Turing, c'est que on peut dire, oui, mais en fait, c'est que des 0 et des 1 à l'intérieur de l'ordinateur, donc c'est pas vraiment de l'intelligence. Mais là, Turing ne dit pas ça, mais aujourd'hui, on pourrait le dire davantage, c'est de dire, oui, mais dans les neurones, c'est que de la dopamine et des influx électriques. Et pourtant, on fait semblant d'être intelligent. On arrive à simuler l'intelligence, mais c'est ça, être intelligent. Et donc, voilà une autre définition possible de ce qu'est l'intelligence. La conscience, par exemple, si on prend la notion de Freud de conscience, qui est la même notion que celle de Leibniz, c'est qu'on a une sensation consciente quand on a perçu quelque chose, enfin une sensation ou disons un désir. On a un désir conscient un désir est conscient quand on sait qu'on a ce désir. Et une perception est consciente quand on sait qu'on a cette perception, mais on a aussi des perceptions inconscientes dont on ne sait pas qu'elles existent. Donc voilà une acception particulière du mot conscient, et si on prend cette acception-là, eh bien les ordinateurs sont conscients. Je veux dire, il y a des ordinateurs qui sont capables de nous expliquer comment ils sont arrivés au résultat que 2 et 2 font 4, et donc ils nous expliquent qui sont conscients du fait qu'ils ont fait un calcul. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous donner la trace du calcul, de nous donner la manière dont ils sont parvenus au résultat. Puis des fois, ils ne le sont pas. Et exactement comme le cerveau, on peut plus ou moins comprendre pourquoi chacun des actes ne peut pas être conscient, pourquoi il y a forcément un petit nombre, au moins un certain nombre d'actes qui sont inconscients. Donc je crois qu'on ne peut pas discuter de cette question de l'intelligence ni de la conscience sans commencer par préciser ce qu'on entend par là. Et plus on fait de recherche en intelligence artificielle, moins le mot conscience ou le mot intelligence est clair, et plus on est amené à le découper en plusieurs petites notions. Et sur chacune de ces notions, on progresse, et c'est très bien. Mais peut-être l'intelligence est-elle le phlogistique du 21e siècle? C'est la notion dont on va devoir apprendre à se débarrasser si on veut penser clairement ces questions. Et la notion de libre arbitre? Alors, je suis arrivé à la notion de libre arbitre à la fin parce que c'est parce que j'ai aucune réponse là-dessus. Donc, mais par contre, je vais rebondir sur un certain nombre de points, en particulier revenir à ta question sur l'intention auquel Gilles est tourné un peu autour quand même. Alors premièrement, le test de Turing, c'est un test, avec tout le respect que je dois à Turing, c'est un test qui est juste un test d'escroquerie. C'est comment un ordinateur peut escroquer un humain en lui faisant croire qu'il est humain. Donc on évacue ça. Avec tout le respect que je dois à Turing, parce que c'était il y a très longtemps. On a fait beaucoup plus sur la réflexion autour de l'intelligence artificielle depuis Turing. En particulier, ce qui a beaucoup évolué depuis Turing, c'est l'idée qu'il n'y a pas une forme d'intelligence. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah bah tiens, reconnaître des chats, des chiens, c'est un truc très compliqué, et donc voilà, il y a des techniques pour faire ça. Jouer au jeu de Go, c'est intelligent, et il y a des techniques pour faire ça. Traduire, donc quand on s'aperçoit même d'un point de vue technique, les techniques qu'on développe, les techniques d'intelligence artificielle, c'est pas un algorithme, c'est toute une batterie de techniques qu'on a développées, et d'une certaine façon, un être humain qui fait son apprentissage, on retombe sur le machine learning et l'apprentissage, c'est un être humain apprend plein de choses, il apprend pas juste une tâche, il apprend plein de machins. Et donc, je crois que tu as utilisé la notion de découpage de ces notions. En fait, c'est ça qui est important. C'est dans la technique aussi, il y a ce découpage. On n'apprend pas, il n'y a pas une solution à l'intelligence. Il y a toute une gamme de problèmes. En fait, c'est ça. Hein. Et c'est ça l'informatique. L'informatique, si on vous donne un problème, vous trouvez une solution. Ben, il y a toute une gamme de problèmes intelligents qu'on va apprendre à résoudre et sur lequel on fait des progrès, la traduction, la reconnaissance de forme, le contrôle d'une bagnole, etc. Tous ces trucs-là, ben on apprend ça quand on est un être humain au cours de son adolescence, et en continuant plus tard, et ben une machine, c'est pareil. Alors ça, voilà, j'ai parlé du test de Turing, j'ai parlé du découpage. Alors, je pense qu'on parle beaucoup trop de conscience. Je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, enfin en tout cas, que moi m'intéresse énormément, c'est l'inconscience. L'inconscient. Et en fait, quand tu as parlé de Freud s'intéresse énormément à l'inconscient. Et d'une certaine façon, tu as l'air d'être très passionné par le machine learning, mais le machine learning, c'est beaucoup de l'inconscient. Le machine learning n'essaie pas de comprendre les achats que tu fais sur Internet de façon consciente. T'en as rien, t'as fait plein d'achats sur Internet et il s'aperçoit que t'achètes plutôt ça et ça et ça. Et ça n'a rien de conscient, c'est à partir de tous les signaux que tu donnes, essayer de déterminer l'inconscient. Et donc d'une certaine façon, le machine learning s'intéresse beaucoup plus à l'inconscient qu'au conscient. Et donc d'une certaine façon, les ordinateurs ont aussi appris à parler d'inconscient. Alors après, on en arrive au sujet de départ qui était est-ce qu'ils ont des intentions ? Est-ce que les gens ont beaucoup d'intentions ? C'est pas si évident que ça comme réponse. C'est pas si évident que ça parce que essentiellement, on m'a mis là, j'ai appris à l'école, on m'a dit ah bah t'es bon en maths, t'as qu'à aller en prépa, j'ai suivi la prépa, puis j'ai fait toute ma petite vie. Bah j'ai un boulot parce qu'il faut avoir un boulot, puis il faut bouffer, etc. Donc les intentions sont quand même pas si claires que ça, d'accord. Donc alors, est-ce que c'est l'intention qui distinguerait le fait qu'une machine serait intelligente à partir du moment où elle a une intention ? Il faudrait d'abord me démontrer que la majorité des gens ont énormément d'intentions. C'est pas si clair que ça. Et je sais plus quelle était ta dernière question. Je crois que c'était ça. C'était ça. Sur l'intention, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, c'est les humains qui demandent aux machines de faire des choses a priori. Quoique, en disant ça, je me rends compte que sur Internet, il y a souvent l'inverse qui arrive. Il y a des machines qui nous demandent de remplir des choses. Finalement, la conclusion serait que pour arriver à faire une... pour arriver à faire une intelligence artificielle, appelons ça quand même malgré tout comme ça, ce serait de réussir à faire un ordinateur qui est capable de faire des choses très irrationnelles, parce que finalement mais ça on sait faire parce que quand tu dis voilà le conscient, savoir ce qu'on veut, etc, je suis complètement d'accord, et finalement peut-être que ce qui caractérise plus l'être humain c'est de faire des trucs auxquels on s'attend pas nécessairement, mais pas n'importe quoi pour autant. Enfin, c'est... Alors, dans l'algorithmique, l'utilisation de non-déterminisme, de l'aléatoire, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de problèmes qu'on ne sait résoudre qu'avec des algorithmes probabilistes. On ne sait pas les résoudre de façon déterministe. Donc c'est quelque chose qu'on utilise de façon très régulière. Alors après, il y a quelque chose qui est plus intéressant, c'est la différence qu'il pourrait y avoir entre cette espèce de non-déterminisme et la sérendipité, par exemple. Ça, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. J'aimerais bien comprendre un peu ce que c'est. C'est pas du hasard. C'est peut-être lié à l'intuition mathématique. Comment on caractériserait l'intuition mathématique ? Mais je suis sûr que Gilles va nous expliquer qu'un ordinateur pourrait simuler de l'intuition mathématique aussi. Aussi le fait que par rapport, pour rebondir sur les solutions politiques très logiques et technocratiques, le fait aussi qu'un humain n'a aucun problème de vivre avec des choses qui sont totalement incohérentes logiques, à commencer par liberté, égalité, fraternité par exemple. Il n'y a même pas besoin de mettre fraternité, déjà liberté, égalité, il y a déjà une contradiction. Sur la notion d'intention, c'est à nouveau une notion dont on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Apparemment, tout le monde autour de cette table sait ce que c'est que l'intention, sauf moi. Non, je te rejoins dans ton ignorance. Et donc, il y a une philosophe anglaise qui s'appelle Elizabeth Anscombe qui a essayé de comprendre ce qu'était l'intention. Et ce qu'elle nous propose, c'est de dire qu'on peut parler d'intention quand on a deux descriptions d'un même geste. Donc, elle prend un exemple. Elle dit, voilà, il y a un geste qui consiste à empoisonner quelqu'un. Et puis, il y a un geste qui consiste... Alors, c'est le même geste, mais qu'on décrit d'une autre manière, qui consiste à ouvrir une petite fiole et verser dans son whisky un liquide qui était précédemment contenu dans la fiole, puis refermer la fiole et lui tendre son whisky avec un air innocent. Et en fait, c'est deux fois le même acte qu'on a décrit, mais on l'a décrit avec des niveaux ou des degrés de précision différents. Et elle pose la question, quelle est l'intention de verser un liquide dans le verre de whisky d'une personne ? Eh bien, elle dit, l'intention, c'est de l'empoisonner. Donc, elle arrive à cette conclusion que quand on dit qu'une certaine action est une intention d'une autre action, c'est que c'est deux fois la même action, mais qu'on les a décrites de manière différente et la manière la plus abstraite est considérée comme l'intention de la manière la plus concrète. Et donc après, on peut itérer ça et dire, voilà, il y a un geste qui consiste à contracter les muscles du doigt, pencher le poignet vers la gauche, etc. Et quelle est l'intention de ça ? Eh bien, c'est de verser un liquide dans le verre de whisky. Et quelle est l'intention de ça ? Ben, c'est d'empoisonner cette personne. Et donc on peut avoir comme ça des dizaines d'enchaînements. Si on prend cette notion d'intention, on s'aperçoit que les ordinateurs ont beaucoup plus d'intention que nous. Par exemple, quand on prend un même programme qui peut être décrit de deux manières différentes, on peut le décrire dans un langage de programmation habituel, mais ensuite on va le traduire dans un langage de plus bas niveau, où une instruction du langage de haut niveau va correspondre à plusieurs instructions du langage de bas niveau. Donc mettons par exemple que dans le langage de haut niveau, on a écrit x égale 1, et puis dans le langage de bas niveau, ça se traduit par, je ne sais pas quoi, load immédiat 1, push pop, blablabla. Et on peut dire, mais à quoi sert ? Quelle est l'intention qu'il y a derrière chacune de ces instructions du langage de bas niveau ? Et la réponse, c'est, ben, ce qu'on veut faire, c'est faire x égale 1. C'est l'instruction qui se trouve dans le langage de haut niveau. Donc, que beaucoup plus que les humains, on a l'habitude de décrire les processus informatiques à différents niveaux, et donc, on peut leur prêter des intentions. Oui, mais c'est pas... Je vais me permettre d'interpréter ta question. C'est pas ce que je veux dire. Ce que moi, j'avais compris comme intention, c'est la chose suivante. Moi, j'ai... Une vision politique qui est que j'aimerais bien, c'est mon intention, et si je devais faire des actions et si j'avais les moyens, je le ferais, j'aimerais bien que les gens aient à peu près tous de quoi manger. Donc j'ai une espèce de vision. Il y a d'autres gens qui pourraient avoir une autre vision, qui est un autre être humain, qui va être comme vision. Je voudrais devenir la personne la plus riche du monde, je voudrais accaparer toutes les richesses, je voudrais devenir Bill Gates, mais pas filer la moitié de mes thunes aux pauvres, d'accord ? Donc ça, c'est une intention. Bill Gates, c'est une intention qui est de dire, je vais interpréter Bill Gates, c'est je vais devenir très riche, et quand je serai très riche, et avec mon épouse, on va distribuer toute notre fortune aux pauvres. Tu vois, ça, c'est des intentions. C'est-à-dire qu'il y a un but, quelque chose qui fait qu'on agit. La question... que j'ai compris moi de ce que tu as posé, c'est quand j'ai créé un algorithme, c'est un être humain qui lui a dit tu fais ça. C'est-à-dire que quand on a fait du trading, l'humain ne savait peut-être pas à quoi servait le trading, mais il a dit bah voilà, le trading, c'est qu'il faut que tu échanges des actions le plus vite possible pour faire que mon portefeuille devienne le plus gros. Puis après, l'algorithme s'est débrouillé, puis ça fait un crash. D'accord ? Donc le résultat, c'était le crash, mais l'intention, c'était l'intention d'un humain qui était de devenir le plus riche possible. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un algorithme peut avoir une intention qui serait humaniste, qui serait de devenir le plus riche du monde ? Je ne sais pas. Alors, humaniste, peut-être pas, mais devenir le plus riche du monde, oui. Mais ce serait un humain qui lui aurait donné ? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il le trouve lui-même ? Non, ce qui est vrai, c'est que l'ordinateur ne peut pas jouir de sa fortune, il peut juste la donner à un humain. Donc forcément, il ne peut pas avoir comme but de s'enrichir lui-même en tant qu'ordinateur ou en tant qu'algorithme. En revanche, on pourrait dire que si la notion d'intention, c'est la notion de but, on pourrait dire qu'un ordinateur qui fait une multiplication a une intention qui est de trouver le produit de deux nombres. Ou un autre ordinateur. On en arrive à la question, je trouve on en arrive à la question qui est aussi dans quand on avait réfléchi aussi à ce qu'un ordinateur potentiellement ne pourrait jamais faire, c'était se poser une question. Se poser un objectif, se poser une question qui est une question qui nous paraît intéressante, c'est-à-dire que... T'as des algorithmes de fouille de données où la question, c'est trouver quelque chose d'intéressant. Oui, mais c'est pas non plus fixer un objectif... Enfin, je veux dire, c'est un peu... C'est exactement... Alors attention, c'est à mon tour... Mais c'est pas Wikipédia, c'est parce que j'ai tout lu Poincaré, mais j'aime beaucoup citer Poincaré, mais qui fait bien la distinction entre la logique et les maths, en disant la logique, c'est qu'un enchaînement de tautologie, les mathématiques, il y a un discours derrière, il y a un sens, il y a une intuition, il y a des objectifs, et c'est bien ça qui distingue les mathématiques de la logique, et je trouve que de la même façon, il y a une distinction à faire entre l'algorithme pur, et puis effectivement son intention, ce qu'une personne a voulu, l'objectif, le but qu'on s'est fixé, la question qu'on s'est posée, et où là, est-ce que vraiment, effectivement, c'est propre à l'algorithme ou c'est l'humain qui est derrière, quoi. Mais on pourrait penser que les intentions très altruistes que Serge nous a décrites comme étant les siennes, elles ont été simplement... C'est pour lui peut-être une condition de survie, parce que dans le milieu dans lequel il vit, s'il disait le contraire, il serait lynché, ou c'est peut-être juste une question de sélection naturelle qui a fait que ce type d'idée a survécu. C'est vrai, Serge. Quelle est la raison de ton intention humaniste ? Non, mais tu as complètement raison. On pourrait imaginer des algorithmes d'apprentissage qui évolueraient en fonction de leur environnement et qui finiraient par avoir des intentions qui ne seraient pas prévues, qui n'auraient pas été imaginées par leur concepteur. Donc on est arrivé... Ce qu'on vient de faire, c'est quoi ? On vient d'arriver à faire exploser la seule... raison qui nous semblait distinguer un algorithme d'un être humain. On est mal barré là. Non mais alors Moi, j'en étais même pas à l'idée de vision, mais en effet, c'est extrêmement intéressant. Moi, là, finalement, sur l'intention, le truc qui s'en rapprochait un peu plus, c'est ce qui différencie, par exemple, les algorithmes qui ont battu les humains aux échecs des algorithmes d'aujourd'hui de deep learning en traitement d'image, où il y en a un, c'est de la brute force. Donc c'est là où on se dit, il est un peu bébête. Bon, il calcule vite, mais il est un peu bébête dans son coin. Ou sur ces algorithmes dont on a parlé justement dans cet épisode sur le deep learning, on lui donne un système de pensée et lui-même va se dire, ok, pour résoudre ce problème, alors bien sûr il ne le dit pas comme ça, je vais aller me construire un détecteur d'œil, un détecteur de contour, un détecteur de ceci, et je vais les combiner pour dire, bah, quand j'ai deux yeux, que j'ai un long cou, c'est une girafe. C'est un peu ce qu'en reverse engineering sur ces algorithmes, ce qui est assez amusant, et c'est un peu ma dernière question, on est obligé maintenant de faire du reverse engineering pour comprendre ce que font certains algorithmes de machine learning, font ces algorithmes où là finalement il se dit, bah, lui-même il va aller construire ses manières de raisonner pour aller résoudre un problème, et donc il va aller mettre un peu plus d'intention personnelle entre guillemets qu'un algorithme déterministe au sens strict. Alors je serais un petit peu plus modéré sur ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on sait faire c'est décrire tout un ensemble de possibilités, de choix, de stratégies, et de laisser l'algorithme les essayer toutes, faire plein d'essais, et à partir de ça, de choisir celle qui marche. Donc c'est beaucoup moins créatif que ce qu'on peut croire. Moi j'adore par exemple, il y a un exemple de ce robot qu'on entraîne en coupant une patte, etc., et qui apprend à marcher avec quatre pattes, avec trois pattes, etc. C'est génial, mais d'une certaine façon on lui a donné avant toutes les stratégies possibles imaginables, et il les a analysées. Mais encore une fois, on fait des progrès considérables, et on peut imaginer que dans les années qui viennent, je ne sais pas, je ne vais pas donner de date, je ne suis pas futurologue, on saura créer et éventuellement même imaginer de nouvelles stratégies. Mais c'est plus compliqué d'imaginer de nouvelles stratégies plutôt que d'essayer. Alors il y avait ce que tu as dit au départ, c'est le truc, je ne sais pas moi, l'algorithme bestial qui joue aux échecs, essayait tout le plus vite possible, en étant quand même un peu plus intelligent que ce que tu dis, oui, il coupait des branches, mais quand même il essayait plein de choses. Après il y a les algorithmes un peu plus intelligents qui essayent des stratégies, qui font des jeux et qui peuvent, dans un cadre assez limité qu'on leur a appris, trouver des nouveaux trucs. Et ça nous a bluffé sur le go. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeu, la machine a fait un mouvement qu'aucun humain avait fait avant. Et sur le go, ce qui est épatant, si je ne me trompe pas, c'est qu'en plus, c'est un algorithme qui en fait regardait le jeu, entre guillemets, de manière globale, un peu comme une image, il regardait la configuration du jeu. C'est moins important. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il a essayé des stratégies avant même qu'elles aient été jouées. Donc c'était un peu plus original. Mais encore une fois, c'est des stratégies qu'on lui avait apprises. Hein, donc c'est quand même limité. On peut imaginer du machine learning encore plus, de plus en plus avancé, où la machine véritablement inventera une nouvelle stratégie. Mais sur ces algorithmes multicouches, on peut se poser la question, comment est-ce que notre œil et notre cerveau font pour repérer des lignes droites ? Parce que quand on voit un paysage ou quand on voit un objet, et s'il y a une ligne droite, on la repère tout de suite. Et en fait, il s'avère que juste derrière la rétine, donc dans les premiers, les premières couches de traitement de l'image ou du signal par le cerveau, il y a un algorithme qui cherche à repérer les lignes droites et qui ensuite transmet à la couche d'au-dessus une information relativement abstraite qui est, au lieu de dire voilà, telle cellule de la rétine a été impressionné par un photon, de dire, bah voilà, là, il y a une ligne droite. Et donc, par exemple, quand on repère un carré, bah, il y a une première étape qui est faite par un certain réseau de neurones dans le cerveau qui est de repérer les quatre segments. Et ensuite, il y a un deuxième algorithme, une deuxième couche de neurones dans le cerveau qui dit, et puis s'il y a quatre segments et qui se touchent, c'est sans doute un carré, à supposer qu'ils soient de même longueur et orthogonaux. Donc on s'aperçoit ici que on a dans les algorithmes de deep learning, c'est-à-dire les algorithmes d'apprentissage multicouche, on retrouve quelque chose qui est imité de ce qu'on sait depuis longtemps sur le cerveau, c'est qu'il y a plusieurs couches d'analyse et qu'une image passe par plusieurs descriptions en passant d'une couche de neurones, enfin d'un réseau de neurones à un autre. Mais je ne dirais pas pour autant qu'on a eu l'idée de repérer d'abord les droites dans l'image pour ensuite employer cette information. Il se peut que l'évolution ait doté la moitié des hommes de la faculté de repérer des lignes droites et l'autre moitié de repérer des lémniscates de Bernoulli, mais il s'avère juste que dans l'environnement dans lequel ils vivaient, repérer des lignes droites était un peu plus utile que repérer des lémniscates de Bernoulli, si bien que l'évolution, la sélection naturelle n'a gardé que les premiers. Donc le fait que dans les algorithmes de machine learning, l'algorithme invente la notion de droite, eh bien c'est pas parce qu'il a l'intention ou l'idée que les droites c'est bien et c'est plus intéressant que les lémniscates de Bernoulli. C'est juste que c'est plus efficace pour arriver au but qu'il cherche à réaliser. Et donc je ne verrais pas ici une invention de l'algorithme. Il y a vraiment une adaptation d'algorithme à reconnaître certaines formes, donc le coup de la girafe, puis de se dire si un coup, quatre pattes et deux oreilles, ça doit être une girafe. Enfin, bien qu'il y a d'autres animaux qui ressemblent à ça aussi. Mais plus quelque chose d'assez opérationnel où le fait de repérer le long cou d'une girafe, eh bien, si le but c'est de repérer des girafes, on va s'apercevoir au fur et à mesure du calcul, au fur et à mesure de l'apprentissage, que c'est une bonne idée de repérer quelque chose qui ressemble à un coup. Oui, mais là, quelle différence tu fais si on a, avec un algorithme évolutionniste par exemple, on essaye, je sais pas, plein de méthodes, et qu'il y a celles qui réussissent, celles qui ne réussissent pas, et petit à petit, on empile, et on a fait plein d'essais, puis finalement, l'évolution fait qu'il y en a un qui marche bien. Pourquoi tu ne reconnais pas ça comme une création, une invention ? On a essayé plein de trucs, il y en a qui ont merdé, il y en a qui ont réussi. C'est ça aussi l'invention, c'est essayer des choses et puis il y en a qui marchent. Tout à fait, sauf que c'est une invention qui est inconsciente, c'est-à-dire jusqu'à ce que... C'est pas conscient, oui. Jusqu'à ce que il y ait une imagerie médicale qui t'a appris que ton cerveau fonctionnait comme ça, tu ne le savais pas. Mais tu as quand même, il l'a quand même inventé. Inventé inconsciemment. Tout à fait. Bon, du coup, je vais arriver sur la toute fin. Je pensais parce que il y a vraiment une similarité entre l'apprentissage par algorithme et l'apprentissage humain. Là, il y a clairement un truc. J'ai un exemple chez moi que vous avez vu de comment elle se rend compte qu'une image est un chien et pas un chat. Enfin, je comprends toujours pas comment elle fait, mais elle est évidemment extrêmement elle est extrêmement en avance sur ce qu'on sait faire au point de vue algorithmique, c'est-à-dire que elle est la petite qu'on a vue tout à l'heure qui est extrêmement mignonne, elle va être capable de reconnaître un chat d'un chien avec un nombre d'exemples très faible, alors que les algorithmes qu'on connaît aujourd'hui ont besoin d'un nombre massif d'exemples de chats et de chiens, de contre-exemples de machins pour pouvoir arriver à le faire. Mais mine de rien, la démarche est la même. J'en sais rien si elle est la même. Tout ce que je sais, c'est que c'est le résultat elle-même et que le sien est beaucoup plus efficace. C'est tout ce que je sais. Il y a une notion qui est très peu utilisée justement dans ces algos, c'est qu'ils n'utilisent que de l'image. Boson, elle a de l'odorat, elle a du toucher, elle a énormément d'autres informations. Elle a de la 3D qui vont lui dire bah, ça, c'est sans doute plus un chat, quoi. Je sais pas si c'est que ça. Je pense que on est un peu obnubilé parce qu'on appelait ça un réseau neuronal. On pense que c'est comme les neurones. On n'en sait rien. Moi, à mon avis, les réseaux neuronaux, avec tout le respect que je vois sur toute la recherche, sont très en retard de ce qu'elle est capable de faire pour reconnaître un chat d'un chien. Ça, on en avait parlé donc au début de la saison. Justement, ça va me faire boucler parce que sur la dernière question, c'était exactement sur ça. Moi, j'avais essayé de me renseigner auprès de chercheurs en neurosciences et tout. Ils m'ont dit non, mais ça, c'est de la rigolade. Maintenant, on est très très loin de ce genre de modèle. Alors c'est pas stupide, mais tout ce qu'on sait sur le cerveau est beaucoup beaucoup plus complexe que ces réseaux-là. Donc. La quantité d'informations que tu échanges entre ton œil et ton cerveau est presque du même ordre de grandeur que sur ce qui se transite sur Internet. Donc on est en avance vachement, mais il y a quand même beaucoup plus d'informations au niveau du cerveau. Et alors justement sur cet épisode de début de saison où on avait essayé de balayer un peu le machine learning, le deep learning en particulier et le machine learning plus en général, je suis très content de recevoir des gens informaticiens mais finalement pas mal mathématiciens aussi parce que la réalisation finale c'est qu'une vraie différence entre ce qui est fait en machine learning et ce qu'on peut faire dans le reste des sciences, c'est qu'en machine learning, c'était ce qui m'avait même amusé sur un article de Google qui parlait de son algorithme de machine learning, c'est qu'ils faisaient du reverse engineering sur leur algorithme. C'est-à-dire que finalement, on a des algos qui de plus en plus sont très bons à résoudre, mais on ne comprend pas. Et j'ai l'impression que l'humain, on en discutait il y a un an et demi avec Nicolas Gisin sur la mécanique quantique, où ils ont des équations qui marchent, mais ils ont besoin d'une explication. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va dans un monde où on va avoir de plus en plus de choses résolues, mais de moins en moins de choses qu'on comprend. C'est grave, pas grave, pour les informaticiens, mathématiciens que vous êtes. C'est à peu près le cas dans n'importe quel gros système informatique. Quand tu as un gros système informatique avec des millions de lignes de code et de la synchronie et des trucs comme ça, au bout d'un certain temps, tu n'arrives plus à vérifier tout ce qu'il fait. Tu peux pas, la combinatoire est telle que tu ne peux pas faire un raisonnement complet de tout ce qui se passe. Donc tu finis par prendre ça comme une boîte noire et étudier ça comme un phénomène physique. C'est un phénomène qui est d'une certaine façon au-delà de ta compréhension. Mais encore une fois, sur le machine learning, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des travaux pour essayer de donner un peu plus d'explications. Il y a des gens qui bossent là-dessus. Essentiellement, il faut arriver à expliquer ce qui se passe dans l'univers. Sur le deep learning, sur différentes couches, c'est compliqué, mais c'est pas rédhibitoire. C'est juste que c'est un domaine qu'on sait pas encore faire. Alors, bizarrement, cette différence entre prédire et expliquer est venue, il me semble, d'abord en mathématiques. Donc, dès les années 70, on a utilisé des ordinateurs pour résoudre des problèmes mathématiques. Et, par exemple, le célèbre théorème des quatre couleurs qui a été résolu en 76. Et la démonstration du théorème des quatre couleurs, c'est une démonstration par cas. C'est-à-dire, on a l'habitude de faire des démonstrations par cas. Par exemple, on veut montrer que le carré d'un réel est toujours positif. Donc on fait deux cas, il y a le cas où le réel est positif et que le réel est négatif, et dans les deux cas, le carré est positif, donc on sait que dans tous les cas, c'est positif. Alors c'était la même démonstration qui était faite par un ordinateur, mais au lieu d'avoir deux cas, il y avait 1500 cas. Et dans chacun des 1500 cas, ça se divisait à nouveau en plusieurs milliers de cas. Et donc il y a ici quelque chose qui va contre l'esprit scientifique, puisqu'on s'est rendu compte que dans ces 1500 cas, la réponse était toujours la même, et on a dit, ah ben on est content, on sait maintenant que le théorème des quatre couleurs est vrai pour cette raison. Ça veut dire que si tu prends n'importe quelle carte planaire, tu peux trouver une colorisation, tu peux colorer la carte avec quatre couleurs en étant sûr que deux régions qui se touchent n'aient pas la même couleur. Oui, ça c'était l'énoncé du théorème, mais la méthode qui m'intéressait. Je pense que c'est intéressant. Oui, tout à fait. Mais les auditeurs peuvent regarder dans Wikipédia, c'est bien expliqué. Pourquoi ça va contre l'esprit scientifique ? Parce que si on prend un dé et qu'on le lance 1500 fois, et que 1500 fois, il n'arrive jamais que la face 7 sorte. On va se dire, il y a peut-être une raison. C'est la base même de la démarche scientifique. De se dire, il y a une raison, il faut la chercher. Alors peut-être qu'il n'y a pas de face 7 sur le dé, c'est une bonne explication. Mais là, on est complètement à l'inverse. On dit, ah bah très bien, ça a marché 1500 fois. On n'a pas à chercher de raison pour laquelle ça a marché. Il n'y a pas forcément une raison unique pour laquelle ça a marché. On est content de savoir que le théorème est vrai. Alors au moment où cette démonstration est apparue, il y a eu un certain nombre de critiques qui ont dit, bon, alors c'est pas une vraie démonstration parce qu'elle nous dit que toute carte planaire et coloriable avec quatre couleurs, mais elle ne nous dit pas pourquoi. Et il y a ici une idée bizarre qui est apparue, c'était que, bon, on m'avait appris à l'école qu'une démonstration, ça servait à savoir que quelque chose était vrai, et là, tout d'un coup, on donnait à la charge, on chargeait la démonstration d'une nouvelle fonction qui était de nous expliquer pourquoi. Et en fait, rétrospectivement, on s'aperçoit qu'avant le théorème des quatre couleurs, à peu près toutes les démonstrations nous expliquaient pourquoi quelque chose était vrai, en même temps qu'elles nous expliquaient qui il était vrai, et là, on s'est aperçu que c'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire, il y a des cas où on sait que c'est vrai, mais on ne sait pas pourquoi. Et à cette époque, on a dit, bon, c'est pas grave, bientôt on saura pourquoi, on va finir par trouver une autre démonstration. Et puis là, ça fait quand même bientôt 40 ans, et non, ça fait exactement 40 ans, et on n'a toujours pas trouvé d'explication. Et on peut se dire, bah, peut-être qu'il n'y a pas d'explication. Et il y a même un théorème qui s'appelle le théorème de Gödel, qui nous apprend qu'il existe des énoncés extrêmement courts qui ont des démonstrations extrêmement longues, enfin... Les énoncés ne sont pas forcément extrêmement courts, mais la démonstration est très longue par rapport à la taille de l'énoncé. Et donc, ce type de démonstration, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a aussi une autre démonstration qui est plus explicative. Et alors ça, c'est une vraie prise de conscience du fait qu'une démonstration, il y a des démonstrations qui expliquent que, il y a des démonstrations qui expliquent pourquoi, enfin qui disent que, et d'autres qui disent pourquoi, et qu'il n'y a aucune raison de penser que les secondes seules sont des démonstrations. Alors, après, après, ça s'est généralisé. Une fois qu'on avait pris cette conscience, on s'est aperçu que c'était conscience de ça, je veux dire. On s'est aperçu que c'était très présent dans de très nombreuses situations. Par exemple, quand on calcule le temps qu'il va faire demain, donc pour prédire la météo, bon bah on utilise des centaines, des milliers de mesures de pression, de température, etc. On vous dit demain il va faire 17 degrés, et personne ne dit mais bon ok, on sait qu'il va faire 17 degrés, mais pourquoi est-ce qu'il va faire 17 degrés et non 16? En général, on pose pas cette question. Bien entendu, comme tout le monde, ce que nous aimons, c'est comprendre pourquoi, et on peut dire à quoi bon cette démonstration du théorème des quatre couleurs qui nous explique que quelque chose est vrai, mais qui nous dit que quelque chose est vrai sans nous expliquer pourquoi. Cela dit, beaucoup de médicaments sont dans ce cas-là aujourd'hui, et on peut se dire que finalement, le rôle d'un biologiste, d'un pharmacien, d'un médecin qui fabrique un médicament, c'est pas seulement d'essayer de comprendre pourquoi son patient est malade et pourquoi le médicament agit, mais que si on sait que le médicament agit et on ne sait pas pourquoi, bah peut-être c'est déjà pas si mal, disons, au moins du point de vue du malade, ça peut être assez utile quand même. Il y a quand même une... oui, mais il y a quand même des limites à ça. En particulier, si on reprend déjà le théorème des quatre couleurs, quand ça a été fait dans les années 80, fin des années 70, moi j'ai connu des mathématiciens qui disaient « j'y crois pas ». Alors j'y crois pas, pourquoi? Bah peut-être que dans votre connerie de programme, il y a une erreur. Enfin, je veux dire, moi je sais pas. Et donc, il y a une question, non seulement, il y a une première question qui est pas seulement le résultat, mais la confiance qu'on peut avoir dans le résultat, qui est pas quelque chose de nouveau hein, dans les résultats mathématiques. Avant aussi, même avec des preuves, il y a toujours eu des questions de confiance, et théorème faux, etc. Bon, ça, c'est pas nouveau. Qui sont tellement longs à redémontrer, voilà, ou à vérifier qu'il y a des erreurs qui restent. Mais là, en l'occurrence, c'était presque méthodologique. Moi, j'ai des mathématiciens qui me disaient, je ne crois pas dans un algorithme, dans un théorème qui a été démontré par un ordinateur. Et ça a beaucoup évolué bien plus tard, quand Georges Gontier et son équipe sont arrivés à avoir une preuve dans laquelle on puisse avoir une preuve qui puisse être vérifiée par un autre ordinateur, etc. Donc on sophistique un peu la démonstration. Et donc je pense que de la même façon qu'il y a ça, il y a une question de confiance qu'on peut avoir dans ces résultats-là. Donc pour le climat, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles pour calculer le climat. Ils ne sont, pas tous d'accord entre eux. Ils sont à peu près tous d'accord pour dire... Enfin, ils ne sont pas à peu près tous. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il va y avoir un réchauffement climatique dans les années à venir, mais ils ne sont pas d'accord pour dire exactement le même truc. Sur la température de demain, ce qu'a dit Gilles, ils sont à la limite, d'une certaine façon, la meilleure confiance qu'on ait, c'est que plusieurs modèles mathématiques du climat donnent le même résultat. Donc c'est quand même assez faible. On n'est pas dans des choses qui sont très mathématiquement prouvées. On a des modèles mathématiques approchés, et ils disent tous que demain il va faire 17 degrés. Et d'ailleurs, il y a des fois où, je sais pas, vous regardez Météo France et puis Yahoo Météo, ils donnent pas le même résultat. Donc il y a encore des divergences. Et alors bon, après ça, on peut se poser la question, d'une certaine façon, des informations sur lesquelles on base toute notre vie, sur lesquelles savoir si on a confiance ou pas dans les résultats. Et quand on parle du machine learning, le fait qu'il n'explique pas, il y a des cas où c'est pas grave. Hein, si machine learning fait un gros calcul pour me dire tu devrais regarder le prochain film de Woody Allen, tu vas vachement bien aimer, je prends pas un risque considérable. Au pire, je vais voir un navet, et puis dans le meilleur des cas, ce qui est très probable, je vais voir un film qui me plaît bien. D'accord, donc c'est pas grave. Mais il y a des cas où le fait qu'il n'y ait pas d'explication peut être relativement rédhibitoire, parce que ces machines-là, on n'est pas complètement certain du résultat. Même si c'est pas nouveau. Même si c'est pas nouveau. C'est pas que les machines. Oui, non, c'est pas... Les statistiques, c'est ça. C'est déjà ça. Bah dans les statistiques, très souvent, le problème, c'est les données de base qui peuvent être fausses. Donc déjà, si... Je ferai une petite différence entre ces deux questions. Alors, c'est vrai, les deux sont vrais. Il est vrai qu'avec, par exemple, des preuves faites par ordinateur, on a du type, je pense, de la preuve originale du théorème des quatre couleurs, celle de 76. Il est vrai qu'on perd deux choses à la fois. On perd à la fois l'explication et on perd à la fois la certitude. Et... qu'on n'avait pas avant, parce qu'il y a toujours eu des preuves fausses. Oui, ok, mais disons, la... Une preuve mathématique, c'est vraiment quelque chose de complètement social. Une preuve mathématique est prouvée à partir que d'un certain point social ou un certain nombre de mathématiciens disent que c'est vrai. On est d'accord. Mais cependant, ils le disent au nom d'un critère extérieur. Et quand on a une preuve qui est faite sur du papier, on peut relire la preuve soi-même, on peut chercher une erreur, alors que pour une preuve qui était faite par un ordinateur, qui était à l'époque un des ordinateurs les plus puissants du monde, et que tout le monde n'avait pas dans sa cuisine, c'était beaucoup plus difficile de la refaire. On peut relire l'algorithme. Maintenant, on peut demander c'est trop gros. Mais maintenant, tu peux demander à un autre algorithme de vérifier. Voilà. Mais c'est deux choses qui sont quand même un tout petit peu différentes. C'est-à-dire le fait de la perte de l'explication et la perte de la confiance sont des choses qui ne sont pas forcément corrélées. Mais alors l'explication pour toi, c'est une question de taille. Si c'est petit, c'est une explication. Non. Si c'est gros, c'est plus une explication. Non, ce n'est pas pour moi. J'ai remarqué empiriquement que quand il y avait des grosses preuves, les gens trouvaient qu'elles étaient moins explicatives. Mais cela dit... Donc c'est vraiment une question de taille. J'enlève le pour toi. C'est une question de taille. Il semble que la taille joue un grand rôle dans le caractère explicatif ou non d'une démonstration. Ouais. Cela dit, il y a des contre-exemples. Pour une preuve mathématique, c'est clair qu'il y a un côté intuition. Est-ce qu'on comprend pourquoi ça va passer? Pourquoi ça a des bonnes raisons de l'être? Et puis après, d'une certaine manière, on peut faire confiance à l'aspect technique, se dire que quelqu'un s'est pris la tête à vérifier tous les aspects techniques, mais il y a un sens à passer par là, il y a un sens à essayer comme ça. La plupart des mathématiciens qui lisent des preuves, qui relisent des publications d'autres, disent à chaque fois, en fait, en gros, je regarde l'énoncé, je regarde juste ce qui a été prouvé, soi-disant, je regarde comment moi je l'aurais prouvé. Et puis après, si ça passe effectivement par là, je regarde les détails techniques. Mais il y a une... C'est complètement social. Et c'est pour ça que les ordinateurs mettent une différence importante, c'est que les ordinateurs peuvent sortir du phénomène social. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire une preuve formelle qui soit vérifiée. Qui pour le coup soit pas du tout intuitif pour un être humain. C'est-à-dire que c'est... Non, ça sera vérifié par un ordinateur. On est sur des preuves qui ne fonctionnent pas de la même façon. J'en reviens encore à Poincaré parce que j'adore citer Poincaré, mais qui a fait des erreurs comme tout le monde, mais qui se surprend de faire des erreurs en disant c'est de la logique, on ne devrait pas faire d'erreurs, et si c'est des tautologies on ne devrait pas faire d'erreurs, et qui dit si on se dit qu'une démonstration c'est juste un enchaînement de raisonnement logique pur, c'est comme un biologiste qui regarde cellule par cellule un éléphant et qui dit qu'il sait ce que c'est qu'un éléphant, et je trouve que c'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est une autre façon de regarder les choses qui fait qu'on a l'impression d'avoir compris. C'est pas les détails de l'algorithme, de comment il est fait. Alors là, t'es en train de dire autre chose. C'est-à-dire qu'une preuve, c'est pas uniquement un phénomène social qui fait que quelqu'un va la vérifier et dire qu'il est d'accord, donc valider la preuve. C'est que c'est quelqu'un qui va s'en servir pour apprendre. Parce que le but, c'est pas uniquement de dire c'est juste, c'est pas juste. Le but, c'est de dire j'ai compris et je suis devenu plus intelligent parce que j'ai compris cette preuve. C'est ça aussi la preuve. Si on revient à l'éléphant, il est vrai qu'il y a diverses manières de regarder un éléphant. Il y en a une qui est de regarder cellule par cellule. Effectivement, on ne comprend pas bien la structure de l'éléphant. Puis il y en a une autre qui est de regarder un plus haut niveau. Puis on s'aperçoit que l'éléphant a quatre pattes, un cou et deux oreilles, comme les girafes. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un ensemble de cellules qu'on peut regarder une par une, mais qui n'a pas de forme, ni la forme d'un éléphant, ni la forme d'une girafe? Ça peut arriver. C'est-à-dire tous les amas de cellules ne sont pas ultimement structurés en un éléphant ou une girafe. Et donc la science, jusqu'à ce qu'on ait des outils de calcul qui permettaient d'appréhender des systèmes aussi complexes, avait tendance à dire « c'est pas des systèmes intéressants ». Ce qui est intéressant, c'est les éléphants, c'est les girafes, c'est pas les amas de cellules. Mais peut-être qu'il y a des amas de cellules qu'on a négligés et qui ne sont pas structurés et sur lesquels peut-être on peut essayer de dire quelque chose. Et le calcul du temps qu'il fera demain, c'est typiquement ça. On ne peut pas expliquer pourquoi il va faire 17 degrés demain plutôt que 16 par le fait que 17 est impair et 16 est pair. C'est pas... Il n'y a pas de propriété comme ça de la température de demain. C'est quelque chose qui est le produit de qui est l'agrégation de tout un tas de phénomènes. Et donc peut-être il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Et c'est peut-être ça aussi la transformation que l'informatique apporte sur les sciences, c'est de nous apprendre à vivre avec des théories complexes qu'on comprend pas, mais qu'on arrive, parce qu'on a des outils, à manipuler, on arrive à faire des prédictions. Pourquoi je suis pas certain que je les comprenne pas. C'est-à-dire que si tu prends justement le climat, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens partent de modèles physiques plus ou moins détaillés, et à partir de ces modèles physiques plus ou moins détaillés, ils font des simulations à partir de position de départ, position initiale, ils font des simulations, ils regardent si ça marche. Après, évidemment, ils vont tuner leur système, et d'une certaine façon, la seule chose qu'on ne comprend pas très bien, c'est ce tuning, c'est-à-dire dire j'ai mis tel paramètre à temps et tel paramètre à temps, et à l'arrivée, je m'aperçois que ça explique mieux le climat. D'accord, mais d'une certaine façon, il y a une explication. L'explication, c'est de dire j'ai décrit un système physique du mieux que j'ai pu, et j'ai tuné les paramètres de façon à ce que ça représente le mieux possible le truc. Alors, si tu veux, c'est pas une explication aussi propre que ce qu'on faisait dans le temps, mais c'est aussi une explication. C'est une nouvelle forme d'explication. C'est une nouvelle forme d'explication. C'est ça que tu veux dire. Ok. Alors, juste pour faire une synthèse, en fait, j'achète pas mal la métaphore avec la biologie, où c'est vrai que finalement en médecine, on a énormément, même une majorité, je pense, de traitements qu'on prend pour efficaces et qu'on ne comprend pas. Et du coup, est-ce qu'on ne va pas aller vers construire une physique informatique où l'enjeu, ce sera d'essayer de comprendre ces boîtes noires et de les modéliser de manière peut-être plus simple ? Alors, il est possible qu'on aille vers une physique qu'on comprend de moins en moins. Et en fait, les physiciens, de ce point de vue-là, nous ont pas mal devancés au XXe siècle en nous donnant des théories prédictives, mais assez difficiles à comprendre. Et bon, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Donc, il y a une vraie question qui est, est-ce qu'on va continuer à aller dans cette direction et l'informatique pourrait nous aider ? C'est-à-dire, elle pourrait nous aider à faire des prédictions à partir de théories de plus en plus complexes et de moins en moins compréhensibles. Et c'est une voie qui mérite d'être explorée. C'est pas la voie qui nous semble la plus attrayante, mais c'est peut-être la voie qui va nous permettre de prédire certains phénomènes. C'est pas la plus attrayante, mais c'est sans doute une des plus efficaces. Mais c'est peut-être une voie qui peut être très efficace. Et donc, quand il y a des objectifs concrets, comme par exemple soigner un malade, on peut pas tellement la rejeter. Alors, il y a aussi d'autres liens entre informatique et physique, qui est que l'informatique nous aide aussi, par ces concepts, cette fois-ci, et pas tant par ces outils, à repenser certaines notions physiques d'une manière un peu différente. Et en particulier, une des notions essentielles en informatique est la notion d'information. Et on s'aperçoit aujourd'hui, rétrospectivement, que l'information est une notion physique. C'est-à-dire, si on remonte aux travaux de Boltzmann, de Brillouin, de Landauer, de Bennett, et de physiciens plus récents, comme Bekenstein, par exemple, on s'aperçoit que il y a une lente émergence de la notion d'information en physique au cours de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Et donc, une question, c'est est-ce que là, on n'a pas, avec l'émergence de cette notion d'information, une explication de phénomènes physiques qu'on n'arrivait pas à expliquer avec les notions de poids et de masse à une époque où on ne donnait pas une signification physique à la notion d'information. Donc ça, c'est des questions qui sont très ouvertes. On ne sait pas du tout si prendre en compte la notion d'information en physique va nous permettre de mieux comprendre la physique ou pas. Mais c'est une autre piste qui mérite d'être explorée. Ce qui est intéressant, c'est que les deux pistes vont complètement à l'inverse l'une de l'autre. Il y en a une qui nous dit c'est pas grave si on comprend moins parce qu'on a des ordinateurs, et il y en a une qui nous dit peut-être les ordinateurs, et en particulier les concepts d'information qui vont avec, vont nous aider à mieux comprendre les phénomènes physiques. Ouais, c'est très intéressant. Ça fait quand même un peu trembler parfois, comme disait Serge, parce que là je suis sur un site, à titre anecdotique, je sais pas si vous connaissez Spurious Correlation, qui est le meilleur exemple pour dire que corrélation n'est pas causalité. Et sauf que dans un monde où on a des algorithmes de plus en plus intelligents, mais où on comprend de moins en moins, on pourra nous dire « Ah, il y a de grandes chances que vous vous suicidiez parce que les États-Unis ont dépensé plus en science cette année. » Parce qu'on peut quand même prédire, malgré le fait qu'on ne comprend pas pourquoi. Donc c'est là où je rejoins les aspects un peu effrayants parfois de prévisions qu'on ne comprend pas du tout. Je ne pense pas que ce soit effrayant. Je pense juste que c'est aussi effrayant que le fait que tu es un inconscient. Tu as appris à vivre avec et ça ne t'empêche pas de vivre. Hein. Ouais. Faut pas éliminer le fait que potentiellement ça peut aussi faire émerger, comme pour les vidéos ou les machins, ou des machines finissent par faire émerger des concepts, que ça puisse faire émerger des concepts que nous-mêmes aurions eu du mal à trouver et qui nous simplifient la description du monde aussi, enfin, en étant très très optimiste. Oui, le concept d'information est possiblement un exemple. Ok, je crois qu'on est au bout, on a posé un peu toutes les questions d'auditeurs, donc on va passer juste au pitch. À la citation, j'en ai une de secours si jamais vous n'avez pas de citation, je suis sûr que vous allez avoir une citation au moins avec toute cette balade dans Wikipédia. Il va bien y avoir une citation sous la main. Ouais, je l'ai oubliée, mais je la retrouve plus. Ah, moi, j'ai une citation que Queneau attribue à Turing. Donc je fais confiance à Queneau, je pense que c'est une citation de Turing, mais en fait, j'en sais rien, je l'ai lu dans Queneau. Et donc Queneau fait dire à Turing que seul un ordinateur peut apprécier un poème écrit par un autre ordinateur. Ça me paraît... C'est pas forcément vrai, du coup. C'est ce que dit Queneau de ce que dit Turing. Ouais, mais Queneau, c'était hier. Je te laisse pitcher la semaine prochaine et peut-être que Serge en aura une autre parce que je crois. Alors je pitch la semaine prochaine puisque finalement il y a une émission la semaine prochaine. Alors attendez, je vais en direct, je cherche. Donc nous devions ne pas avoir d'émission la semaine prochaine. Il se trouve que au dernier moment, le même invité de dernier moment que la semaine dernière, que l'année dernière, pardon. Jean-Philippe Usan va revenir nous parler. Donc c'est lui qui est le détenteur de l'émission la plus longue puisqu'il a fait 3 heures. Il a fait 3 heures. Donc c'est visiblement pas aujourd'hui qu'on battra, mais bon, c'est pas faute de bonne volonté des participants. Je crois qu'on est tous un peu épuisés, il fait chaud, tout ça. Et ils sont deux, je pense que c'est plus difficile de battre leur corps à deux, bizarrement, parce que lui, comme il était tout seul, bien rodé, il se relançait tout seul et il savait exactement tout ce qu'il voulait raconter. Bref, donc il me dit qu'il viendra la semaine prochaine. Et que ce sera plus léger que la dernière fois. Donc je sais pas si ça veut dire que ça sera plus court, mais ce sera plus léger. Et donc il a dit que le thème serait musique, maths, physique, astrophysique, etc. J'amènerai de la musique. Avec un opéra. Je ne sais pas exactement de quoi il va parler. Je sais que je l'ai entendu parler une fois, il a fait une intervention à France Culture où il y avait toutes les chroniques qui étaient tenues par des scientifiques et lui avait tenu la chronique musicale des scientifiques et il avait parlé effectivement de signaux qui étaient enregistrés, qui venaient du fond diffus de l'univers ou des choses comme ça, qu'on transforme en musique et que ça l'intéressait beaucoup et qu'il parlait de choses comme ça. J'espère que je dis pas trop de bêtises, de toute façon il sera là la semaine prochaine pour me corriger. Donc la semaine prochaine, Jean-Philippe Usan pour une nouvelle émission qui sera peut-être moins téléchargée que la précédente parce que le titre sera peut-être un peu moins vendeur, mais quand même ça devrait être aussi passionnant que la précédente sur musique, maths, physique, astrophysique, etc. On a une autre citation ou... Ouais, non, je ne l'ai pas retrouvée complètement, mais je vais essayer quand même de la sortir. C'est une citation de T.S. Eliot. Donc moi, je travaille sur l'information, les données, et en fait, on s'aperçoit que il y a énormément de travail dans tous ces systèmes pour aller récupérer des données, trouver de l'information, construire de plus en plus de connaissances. Et T.S. Eliot parle de cette information, de ces connaissances, et finit par dire « mais but where is the wisdom ?» Et c'est un peu, dans tous ces systèmes-là, il y a beaucoup d'information, il y a beaucoup de données, mais il n'y a pas beaucoup de wisdom, sagesse. Ok, très bonne conclusion à aller... À l'épisode, merci beaucoup d'être venu. On était ravis. Il y aura encore à en discuter pendant des heures, mais déjà, on va être impatient de lire le livre. N'importe quel sujet pendant à peu près le même temps, j'ai l'impression, mais si vous en êtes d'accord. Sur l'éducation, je suis sûr qu'on a envie de parler d'éducation. Oui, ah, bah, avec grand, grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. On est impatient de lire le livre, du coup, on ne dit pas de sortie pour l'instant, parce qu'on ne sait pas. Mais il y en aura un et on vous tiendra au courant dans Podcast Science. C'est ça, on en a parlé avant tout le monde. Donc, comment conclure cette émission? On peut dire déjà que vous allez perdre votre travail, vous allez être remplacé par une machine. Que le monde va aller mieux parce qu'il y aura des algorithmes qui vont prévoir des choses, mais on comprendra pas tout, mais c'est pas grave. Et quoi d'autre? Mais qu'on pourra regarder plus de séries, on aura plus de temps pour regarder des séries. On aura plus que à boire des bières et regarder des séries, discuter entre potes, c'est pas mal. Pour une conclusion à peine exagérée. Et sur ce, donc on se retrouve la semaine prochaine avec Jean-Philippe Usan pour parler de plein de choses avec une émission pour sûr passionnante. Et puis d'ici là, que servir la science soit votre joie.